retrouvé seul sous la pluie, à déchirer la grande voile, et les nuages à l'infini semblaient balayer les étoiles. La nuit en grande courtisane faisait rougir le point du jour avec une histoire immorale qui parlait de faire l'amour. J'appréhendais chaque tempête que j'affrontais les poings serrés, vomis par d'improbables fêtes où ma superbe s'insurgeait de ne pas être le premier, de ne plus être le prochain. Puis sont venus les jours de guerre, il fallait bien avoir raison contre les démons de la guerre et face aux furies de saison. Brisé par d'amères batailles, plus encore par de fausses paix, je vacille et vaille que vaille aux confins de l'absurdité. J'appréhendais chaque conquête, car chaque nouveau territoire où je larmoyais à tue-tête me glorifiait comme barbare, m'emprisonnant dans des pensées comme l'indécence aux enfers. Fallut prendre la pause pour des praticiens de la vie qui recherchaient dans mes névroses les racines de leur folie. Elles clamaient ma perversité que je démentais en offrant quelques narcisses de papier qu'elles piétinaient en souriant. J'appréhendais ma propre quête, car sur les chemins de l'errance de faux amis avaient en tête de m'assigner à résilience, entaillant dans mon inconscient un joli posthume sur mesure. Je sais que tout cela paraît être une bien étrange histoire dont les mots se sont échappés de quelques obscurs grimoires. Mais désormais les jours de pluie, j'ose enfin hisser la grand voile quand les nuages à l'infini semblent balayer les étoiles. Je ne sais si je suis poète, mais je repars en absolu pour balader ma silhouette. Personne ne m'atteindra plus parce qu'il décrète que je suis. C'est à moi de le devenir. 5, 4, 3, 2, 1. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, and McKenna. We are home. We are here. We are America. Oh, oh, je suis rock and roll avec vous. Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. des mots, simples messes d'amour, t'aideront à cicatriser. Je t'aime, tu vois, depuis le premier jour, et rien ne pourra me faire changer. bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Merci d'être là, fidèles au rendez-vous tous les vendredis soirs à partir de 19h. C'est l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel, donc 96.2 MHz et dans la région orléanaise. Et vous pouvez nous écouter partout dans le monde aussi sur Internet. Voilà, depuis le début de l'émission, on a écouté Oniris. C'était le groupe que nous avons reçu la semaine dernière pour la sortie de leur album. Donc il est sur toutes les plateformes et je vous invite à aller le découvrir. Donc la musique très cool hein, en début d'émission. Le titre s'appelait Les Couleurs. Le deuxième morceau que nous avons écouté, c'est un morceau que j'ai reçu, voilà. Voilà, c'est un disque que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, hein, tout simplement, et que je vous ai diffusé tout à l'heure. Donc c'était le premier morceau. C'est le titre de l'album aussi, ça s'appelle Épilogue. Et ce sont les Turner Fraser qui ont sorti leur nouvel album. Donc je vous le diffuse en exclusivité. On a continué avec Skydroll, avec The Devil, Devil Make Me Do It, voilà. On a continué avec une très belle histoire d'amour, hein. Franchement, toujours du bon travail, Patrick Dalprat avec Ma Destinée. Et à l'instant, on vient d'écouter Cyclim avec Dream. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, on est ensemble jusqu'à 22h. Et tous les vendredis, j'aime bien recevoir des artistes, et la plupart du temps, vous êtes très nombreux à demander à venir dans les studios. Et c'est vrai que j'ai une petite liste d'attente, et justement, comme il n'y avait personne de prévu, la semaine dernière, je vous avais dit, je vous tiendrai au courant dans la semaine, donc vous avez pu voir l'affiche. Alors ce soir, le groupe Dark Matter est ici présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va découvrir tout leur univers. Et pour la semaine prochaine, j'attends encore une réponse. Donc ça se fait comme ça. Hein. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours des invités dans l'émission Mavrika la plupart du temps. Parce que de temps en temps, on fait aussi un petit récapitulatif, quelques émissions où on balance le maximum de musique. Parce qu'à chaque fois que les groupes viennent ici, ils nous laissent leurs albums, leurs morceaux et on les diffuse dans d'autres émissions avec beaucoup de plaisir. Donc ce soir, le groupe Dark Matter dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va découvrir pas mal de morceaux, il y a plusieurs morceaux, on va découvrir tout leur univers. Et là je vous invite à découvrir le dernier morceau des Frères Tyrans, les Frères Tyrans, avec un morceau qui s'appelle À Balles Réelles. Mais c'est un jeu de mots, hein. C'est pas les balles réelles, c'est à bas le réel, voilà, tout simplement. On écoute ce morceau là et puis on se retrouve juste après dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités, le groupe Dark Matter. Physique des mines après leur neutralisation. voilà, c'est plutôt dynamique, les frères Tyran avec Abba le réel, et on va dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisque c'est la petite musique qui nous indique qu'on est à Orléans, à 5 minutes du centre d'Orléans, à Fleury-les-Aubrais, plus exactement, dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, et nous recevons aujourd'hui le groupe Dark Matter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes bien installés, c'est bon. Donc, on a eu quelques petites préparations. On en a profité pour le diffuser justement des morceaux que j'ai reçus pendant la semaine, puisque chaque semaine je reçois énormément de monde. Et ce soir, donc on va parler on va découvrir l'univers de Dark Matter. Et pendant ce temps-là, voilà, il y a le chroniqueur qui arrive. Donc il y a tout qui se passe en même temps là. Voilà. Et on a aussi quelqu'un qui est au téléphone. Donc on va essayer de le retrouver tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc un auditeur qui nous écoute. Alors je vois déjà des sourires. Je vois qu'il y a des complicités. Il y a des gens qui savent déjà. Je sais pas qui est cette personne au téléphone. On ne sait pas qui c'est cette personne. Alors il va se présenter. Ah, je sais pas qui je suis non plus. Tu sais pas qui tu es. Non, mais Kylian, il sait qui je suis, donc c'est pas grave. Donc Kylian, tu sais qui c'est? Oui, bien sûr. Donc c'est un groupe qu'on a écouté tout à l'heure justement. Oui, bien sûr. The Devil Made Me Do It, d'ailleurs, un morceau de Skydroll, donc. Exactement, une version d'ailleurs qui était exclusive. Exclusive. Pourquoi? Ouais. Il y a des nouvelles versions depuis ou? Non, en plus, c'est une version, je sais pas si tu te souviens, qui a merdé lorsqu'on te l'a donné quand elle est passée à l'antenne. Et du coup, elle a remerdé. Bah, ça arrive, hein, c'est les aléas. Mais bon, en tout cas, cette version-là, elle passe bien et il y a pas de souci, quoi. Bah, tout à fait. Non, mais je voulais faire un petit coucou. Ouais, bah, ça me fait plaisir. De Dark Matter, bien entendu, et puis plus particulièrement avec Kiki, parce que ça fait. Quelques années qu'on se côtoie et qu'on a fait de la musique ensemble, donc c'est normal de soutenir les copains. Ouais, et puis c'est un peu grâce à vous que qu'ils sont là ce soir, puisque Kylian était passé aussi dans l'émission avec Skydroll. Donc il connaît déjà les studios, donc ça va bien se passer. Tout à fait. Alors toi, tu connais déjà tout l'univers, tout leur univers déjà. Alors ouais, j'ai pu les voir déjà en concert, hein, pour le coup. Je les ai vus une fois. Techniquement, je vais sûrement les voir demain soir au Printemps de Bourges. Je sais pas s'ils en ont parlé, mais en tout cas, ils viennent au Printemps de Bourges demain. On vient juste de prendre l'antenne, donc le temps de se préparer tout ça. T'as spoilé un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Ils vont nous en dire beaucoup plus, ils vont nous donner plus les détails et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Exactement, tout à fait. Non, mais oui, tout à fait, je connais leur univers et j'ai eu la chance de les voir performer au Grand Prix Orléans. Très bien, donc et puis ils vont nous parler des prochains concerts, ils vont nous parler aussi des concerts. Bon, on est là pour découvrir vraiment tout leur univers, donc il n'y a pas de souci. Là, il y a aussi notre ami Hervé qui vient d'arriver. Voilà, je lui serre la main. Et ça, c'est comme ça. Hein. Et nous, c'est comme si on était entre potes là. Donc ça se passe super bien. Dans l'émission. Il se passe toujours des choses. Il se passe toujours des choses. Ouais, il y a des gens au téléphone et on prend l'antenne à ce moment-là. Il y a les invités qui sont là. Il y a le chroniqueur qui arrive aussi. Il y a Didier qui est aussi derrière moi, parce que finalement on est assez nombreux ce soir dans l'émission. Donc tu vas nous écouter jusqu'à 22h. Alors non, je vais pas vous écouter. Là, je suis dans la file d'attente pour aller à un concert ce soir. D'accord. Donc, un concert de métal pour le coup au Printemps de Bourges. C'est les copains, je pense que tu vas voir ce soir, non? Exactement. Je vais voir Rêve Noir, Hachène et Aurore. D'accord. Très bien. Bah super. Bon, donc si c'est pour aller voir les concerts, t'es excusé de pas écouter l'émission ce soir. Par contre, il y aura le podcast qui vous écoute. Comment il y a? Il y a Cyril. Ah, Cyril aussi. Ouais. Très bien. Merci en tout cas à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Profitez bien donc votre soirée au Printemps de Bourges, donc une soirée métal. Et il y aura le podcast. De toute façon, même si tu raccroches derrière, tu pourras réécouter ta voix, puisque de toute façon, il y a notre ami Florent qui enregistre toutes les émissions et qui les partage après. Donc, on les partagera sur le film. Il n'y a pas de souci. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose d'écouter ma propre voix, mais ouais, avec plaisir. Moi, je fais ça tous les soirs avant de m'endormir. D'accord. Très bien. Donc, on va retrouver donc nos invités. Je te remercie d'avoir appelé. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à leur dire? Que j'ai hâte de pouvoir rejouer avec eux, que je leur donne plein de force et ils ont plein de choses qui arrivent, ils ont plein de dates qui arrivent, donc vraiment c'est top qu'il y a un projet qui décolle bien. Et puis un petit aparté pour Kiki où pour le coup ça fait super plaisir de voir que t'as autant progressé depuis des années et je te souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. Ouais, il y a Tanguy derrière qui a dit que c'était mauvais, mais on s'en fout, c'est Tanguy, les bassistes on l'écoute pas. C'est tant bien, on a un bassiste dans le studio aussi. Merci beaucoup pour ton message. Merci, ouais, bon concert à toi, amuse-toi bien. Merci beaucoup et puis à très bientôt, passez une bonne émission, vous êtes dans des bonnes mains les gars. Allez, bonne soirée, à très bientôt. Ciao. Voilà, en tout cas ça nous fait toujours plaisir d'avoir comme ça des gens qui interviennent, et surtout quand c'est des potes, hein, puisqu'ils font partie de la Maureka Family, des gens qui sont déjà venus ici présenter leur groupe et qui nous ont présenté d'autres, donc c'est un peu grâce à eux que vous êtes là ce soir. Ouais, donc ce soir on va découvrir tout l'univers de Dark Matter, mais avant de commencer, on a un petit peu de retard, donc on va peut-être donner la parole déjà à notre ami Hervé. Ça va, Hervé ? Très bien. Ah on va remettre ton micro parce que j'avais coupé tout à l'heure le temps que tu t'installes. T'arrives pile poil pour ta petite chronique. Oui, à peu près, oui. Ouais. Quelle heure ? Ouais. Tu sais, il est 43, donc normalement, parce que ta chronique, tu l'appelais le 19-45. Je l'ai appelé Retenez ce nom, ouais. C'est ça. Mais ouais. Tu tenais à ce que ce soit 19h45. Oui, c'est à peu près. Non, c'est à peu près. Histoire de garder une heure pour que les gens s'y retrouvent. Ouais, très bien. Donc, à quelques minutes près, on est dans les temps. Alors ce soir, tu vas nous parler de qui ? Déjà, on va envoyer le petit jingle. Alors on fait comme ça. C'est parti. Allons-y. Tu m'avais dit de couper avant qu'il chante, mais bon, là, j'étais en train de caler le morceau. Et tout c'est comme ça, hein, dans l'émission Mavrika. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de... Cachemire. De Cachemire. Cachemire, retenez ce nom. Oui, on connaît déjà un petit peu. Alors, Cachemire, c'est quand même une ce bonne... Ce n'est pas exactement, ce n'est pas un groupe de rock tout nouveau. Non. Il a été créé à Nantes en 2012. Et s'était fait un peu remarquer dès son premier album, Photoshop-moi. Et le single qui allait avec, c'était en 2014. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ils ont sorti leur quatrième album, Suffit juste d'une seconde, à la fin 2025. Et cet album, pour moi, c'est un coup d'accélérateur. Là, on passe la seconde, justement. D'accord, la seconde. C'est la quatrième, déjà, le quatrième album. Oui, mais il suffit d'une seconde. D'accord. Ah oui, c'est ça, voilà. Je sais que t'aimes bien jouer avec les mots, en plus. Absolument. Il faut des fois bien suivre. Des fois, je l'écoute et je comprends pas tout de suite. Ça y est. Et eux aussi. Et eux aussi, très bien. Apparemment. Alors, l'esprit potache et le style à la téléphone qu'ils arboraient à leur début subsistent par endroits. Mais leur musique s'est durcie, avec un gros son, parfois presque métal, et ils portent des messages forts, souvent politiques. Moi, je les trouve désormais plus proches de No One Is Innocent, par exemple. Tant mieux. Le résultat, c'est probablement le meilleur album rock francophone de 2025. D'accord. 13 petites bombes taillées pour la scène, qu'on a très envie de brailler à tue-tête avec le chanteur, que je salue. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, il y a l'info. S'il ne nous écoute pas en direct, il y a toujours le podcast, donc on pourra lui envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, on a très envie donc de brailler en même temps, d'apprendre tous les textes par cœur et de sortir. Tu vas nous donner cette envie. Ouais, Cachemire ne fait pas dans la soie. Symptôme de leur évolution, il y a un an, ils ont eu l'excellente idée d'intégrer dans le groupe Alice Animal, qui est une deuxième guitariste, puisqu'ils sont cinq, à la fois puissante dans les riffs et habile dans les solos. Je vous invite à regarder une vidéo de n'importe laquelle de leur prestation live de 2025, et il suffit juste plus d'une seconde, pour se rendre compte qu'avec elle, ils sont passés de pas mal à super bon. Okay, d'accord. Un peu plus d'une seconde, en vrai. Et ils ont même à leur crédit un passage remarqué au Hellfest, c'était en juin dernier. Waouh. Ouais. Car il faut les voir, tout de blanc vêtu, jupette pour les messieurs, short pour la demoiselle. D'accord. Un anticonformisme qu'on retrouve dans beaucoup de leurs textes, assez cash. Vladukash, Vladimir, Vladukashmir. Ouais, j'ai bossé. T'as bossé, là, ouais. Les paroles évoquent des sujets de société comme les influenceurs, le beauf au repas de famille, la routine dans le couple, les troubles mentaux. Et il y a aussi une chanson poignante sur un enfant qui veut changer de sexe et d'accord. les réactions que cela suscite. La chanson que j'ai choisie, moi, c'est 2080. Alors là, il s'imagine grand-père en 2080 racontant à son petit-fils les années 2020 et leur lot d'aberrations et de dysfonctionnements lorsque nous serons en 2080. Donc en fait, finalement, c'est un texte optimiste puisqu'il imagine que les tracas seront supposés résolus à ce moment-là. On verra. Rendez-vous dans 54 ans. Très bien, ça fait loin, ouais. Il s'appelle Cachemire, c'est un clin d'œil à Led Zeppelin, mais écrit à la française, C-A-C-H-E-M-I-R-E. Retenez ce nom. Je suis ton grand-père, moi j'ai vécu 2020, une décennie de misère. Il existait des prisons payantes pour animaux sauvages. On achetait des fraises en hiver, des bananes plein les salades. On étiquetait les personnes du même sexe qui voulaient s'aimer. Il existait même des clans de connards pour les tabasser. On votait un président en force, si tu n'imagines pas. On comptait pas le vote blanc, la démocratie c'était ça. Musique de fond, et paraît vraiment timide derrière le morceau qu'on vient d'écouter. Forcément. Donc ultra, ultra puissant, hein. Donc de 2080. Ouais. Donc c'était la chronique de notre ami Hervé, j'apprécie, qui s'appelle Retenez bien ce nom. C'est ouais, ça. Hein. Retenez, voilà. Ce nom. Retenez ce nom. Voilà. Ouais. Je rajoute bien parce que pour insister. Oui, voilà. Si tu veux. Une tournure d'insistance. Très bien. Donc maintenant on va revenir à Dark Matter. On est ensemble jusqu'à 22h et on est là pour découvrir tous leurs morceaux qu'ils nous ont apportés. Et alors, aussi tout leur univers. Sur Cachemire, j'aimerais bien rebondir un petit peu parce que le monde est assez petit. On connaît bien Cachemire. On aime beaucoup ce qu'ils font. Musicalement, c'est vraiment top. Et une énergie sur scène qui est assez folle. Pour l'anecdote, ma sœur, en fait, c'est quasiment la fan numéro 1 de Cachemire. Vraiment, elle les suit partout. Elle adore vraiment ce qu'ils font. Donc voilà, c'est Ariel pour pas la citer. Et donc ma sœur est en fauteuil c'est presque une mascotte pour le groupe. Et, d'accord. Alors c'est pas leur dernière date, mais dans leur il y a je pense 2 mois, il y a une petite vidéo qui traîne où ils ont un petit peu collaboré avec Serial, ils l'ont fait danser. Voilà. Bah super, ouais, Cérielle qu'on avait eu au téléphone à deux reprises, oui, hein, déjà. Elle est déjà intervenue sur Radio Arc-en-Ciel à plusieurs reprises et que notre ami Didier connaît aussi très bien. Voilà. Ouais, donc c'est bien de parler des gens qu'on aime et puis c'est comme quoi le monde est petit, hein. Très petit. Alors ce soir c'est Dark Matter qui est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Peut-être un jour Cachemire, voilà, s'il passe dans le coin. Ouais. Voilà, si un jour il passe sur Orléans, une date, hop, on cale un truc et puis voilà, ça s'est déjà fait avec d'autres groupes, hein, qu'on n'imaginait même pas. Donc voilà, l'appel est lancé s'il nous écoute en tout cas pour une prochaine émission. Donc Dark Matter. Alors le groupe il existe depuis combien de temps? Moi, ouais, j'irais 2 ans à peu près, non? 2 ans. En fait, on a, Kylian et moi, on a commencé déjà bien avant. On partait plutôt sur un registre de reprise. On reprenait beaucoup de morceaux, type Evanescence, Caesar, pour ceux qui connaissent, ce genre de groupe. Puis après, on a eu le déclic, on s'est dit, bah, pourquoi pas composer? Ça permettrait d'ouvrir plus de ports, on jouait un peu dans les endroits locaux. Et puis, du coup, bah, après, voilà, il y a les nouveaux arrivés avec le temps. De 2, on est passé à 3, puis 4. Le dernier en date étant Florian avec nous ici ce soir. À la basse. Il est timide. C'est la bassiste, c'est la force tranquille du groupe. Voilà, hein, c'est ça. Clairement. Qui a pas l'air, mais. Sauf sur scène. Sauf sur scène, exactement. Et comment tu as rejoint le groupe justement? Comment ils t'ont rencontré? Comment ils t'ont recruté? Sur internet, comme à peu près tous les. Tous les musiciens actuellement. Ouais. Mais non, on se connaissait pas du tout. J'avais mis un petit message sur internet comme quoi je cherchais un groupe, eux aussi. Et puis d'accord. Ça, j'étais fraîchement. J'ai fait une première répète, ça s'est très bien passé. Et depuis, je suis dans le groupe. D'accord, très bien. C'est vrai que vous dites aujourd'hui, tous les groupes se font comme ça, ils se rencontrent par internet. Moi, quand j'ai commencé l'émission en 2010, c'était vraiment le début, hein. C'est-à-dire qu'avant, voilà, il y avait MySpace qui permettait aux musiciens de se rencontrer. C'est vrai. Donc, grâce à MySpace, à l'époque, j'ai découvert des artistes de la région et c'est comme ça qu'on a commencé à faire l'émission Maureka. Et je me souviens, le premier artiste qu'on avait reçu, c'était Guillaume Mandrac, qui cherchait un groupe. Il était tout seul. Il s'appelle Guillaume Mandrac, c'était son surnom. Et il a créé le groupe Mandrac en faisant appel à la radio. C'est à la radio qu'il a fait un appel. Et il y a eu des gens qui ont dit « Ouais, ça m'intéresse ». Et donc, plusieurs personnes se sont greffées dans son groupe. Et le groupe a tourné pendant pas mal d'années, hein, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il ait disparu. Mais peut-être un jour, on aura l'occasion de les voir. Voilà, donc, pour l'histoire, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît banal, c'est par Internet. Mais à une époque, c'était vraiment le début, quoi. Ça se faisait aussi beaucoup dans les magasins de musique, je me rappelle. Ouais, les magasins de musique. Une petite annonce, là, sur le web. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même en termes de lieu pour rencontrer les musiciens, il y a le Polysonic qui est assez aussi identifié, ouais, hein, chez nous, là où on a les petites annonces. Et nous, avec Samy, en fait, on s'est rencontrés également sur Internet. Ouais. On a commencé comme ça, jusqu'au moment où, comme Samy l'expliquait, on faisait un peu de reprise et on s'est dit, c'est le moment de lancer notre projet avec une vraie direction artistique et quelque chose d'un peu personnel, quoi. D'accord. Donc, Dark Matter. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, matière noire, tout simplement. Ouais. On a réfléchi à ce qui nous unissait ensemble. Voilà, la passion pour les thèmes spatiaux. Okay. Il y a cette dimension aussi un peu poétique de la matière noire, en fait, qui est, pour ceux qui connaissent, hein, en physique, la matière noire, c'est une matière qui est quasiment partout, mais qu'on voit pas. D'accord. Donc, on trouvait ça assez beau. Il y a des gens qui se posaient la question, est-ce qu'il y en a dans le studio? Il y en a sûrement. Il y a de la matière grise. Matière grise. Ah, voilà. Ça, c'est bien envoyé, ça. En tout cas, donc, Dark Matter. Si on tape sur Internet, on tombe sur vous, mais il vaut mieux mettre Orléans. Oui, Dark Matter, ça reste quelque chose d'assez, entre guillemets, général. Dans oui, parce qu'après, c'est... on peut tomber sur, justement, des trucs scientifiques ou des choses comme ça. C'est ça, voilà, ouais. Exactement, c'est ça. Mais on est content, on est de plus en plus référencés, donc... Ouais, ça commence. On commence un petit peu. Sur Instagram, c'est possible, voilà. Vous intéresser, c'est Dark Matter avec le -du-bas FR. Oui. Donc après, on trouve assez facilement... En tapant comme ça. D'accord, il y a Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a Facebook aussi. Il y a Facebook, ouais. Un site? Non, il n'y a pas de site. Non, il n'y a pas vraiment pas besoin, puisque aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les sites, bon. Mmh. Bon, après, ouais. C'est vrai que la communication aujourd'hui sur les réseaux, c'est un art. Hein. Instagram, qui est beaucoup utilisé pour les groupes actuellement. Et puis nous, on est encore absent de ce réseau, mais TikTok aussi, hein, pour pour les jeunes musiciens, avec des contenus souvent interactifs où on essaie de jouer avec les codes. Mais pour l'instant, on est encore un peu timide là-dessus. Mais ah, mine de rien, c'est du temps aussi, quoi. C'est excellent. Bah ouais. Et qui c'est qui s'en occupe dans le groupe justement de contacter, d'essayer de faire la réclame, la publicité pour le groupe. qui c'est qui s'occupe de ça? C'est un peu tout le monde ou... Ouais, en fait, on a plus ou moins tous la main sur le compte Instagram, donc chacun est libre de pouvoir poster des choses. Après, c'est vrai qu'on démarche pas mal via Instagram, parce que ça marche plutôt bien. On peut contacter des groupes par MP, en général, ils répondent. Donc ouais, c'est un peu partagé, pour le coup. D'accord. Donc c'est tout le monde qui pianote un peu, voilà. Vous en parlez aussi entre vous, et puis vous rentrez en contact avec d'autres groupes pour organiser des concerts, des choses comme ça. Exactement, ouais. Voilà. Donc des concerts, par exemple, sur Orléans et ailleurs, peut-être invitez-vous des groupes d'ailleurs pour jouer à Orléans, et après ils vous invitent chez eux. Non, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça. C'est souvent comme ça. Ouais. C'est pour ça. On a l'exemple, hein. On va avoir, donc on a partagé la scène avec Hangover et Exolune, donc au Dropkick à Orléans. Ouais. Mm-hmm. Et là, on va jouer avec eux dans quelques semaines. Donc je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le 15 mai. Le 15 mai. Au Photomat à Clermont. D'accord. Voilà. Ouais, comme ça fait un petit échange. Bah voilà. Et au Dropkick, c'est quand? C'est le... Alors c'est une date qui est déjà passée pour le coup. Ah, c'est déjà passé. Ouais, on a déjà joué avec eux. J'ai vu que vous étiez déjà passé. Ouais. On a joué pas mal de fois au Dropkick, ouais, effectivement. C'est un peu la maison. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres concerts qu'on peut aussi annoncer là, dès maintenant là? Ah bah oui, bien sûr. On a fait un petit visuel avec toutes les dates à venir. Donc bah déjà demain. Printemps de Bourges, ouais, c'est ça. Printemps de Bourges. Scène du Berry. C'est ça. Scène du Berry républicain. Donc c'est 21h45, pour nous voir sur scène. La prochaine date, donc justement, c'est celle dont je parlais là au Photomat à Clermont, qui est le 16. 16, voilà. Bah tu vois. On a notre fact-checker. J'ai un super agenda. C'est bien de se souvenir, parce que c'est vrai que des fois à la radio on pose des questions, les dates, ça y est, on s'en souvient plus, et puis on perd un peu les moyens. Donc le mieux, c'est de les marquer comme ça. Complètement. Et on va les répéter au fur et à mesure que le temps va passer dans l'émission, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc ensuite on enchaîne fin mai avec deux dates avec un groupe Please Amnesia, qui est un groupe de Montpellier, qui fait vraiment un super bon métal moderne et chanté en français, donc super intéressant. Et donc on va jouer avec eux à Bordeaux, au Salem. Ah ouais, carrément. Bah ouais. Ouais, vous bougez, quoi. Voilà, on essaye. Ouais. J'ai dit 29, c'est ça? T'as pas dit de date, mais c'était c'est le 28. C'est 28 mai, pour être précis. Donc au Salem Bar. Et le lendemain, ils viennent jouer du coup à Orléans. Et avec un groupe parisien qui s'appelle On Sight. Voilà. D'accord, très bien. Donc pas mal de dates déjà, hein. Ça y va quand même. Non, ouais. 2 ans de travail pour vous préparer. Vous avez fait combien de concerts jusqu'à présent? Oh, le nombre. Pas mal. On a beaucoup joué sur Orléans, beaucoup de Dropkick. C'est vrai qu'on a fait d'accord. pas mal. Une petite dizaine de dates environ. C'est à peu près ça, une dizaine de dates sur 2 ans. Ah ouais, je pense que ça démarre quand même sur le chapeau de roue, hein, ça va assez rapidement, parce que il y a des groupes des fois qui prennent le temps de répéter, etc., avant de se lancer dans un truc. Vous, ça y est, les concerts sont là. Ça nous, on répète pas, donc c'est bon. Vous répétez sur scène, c'est ouais, ça. C'est ça. Très bien. Ouais. Quel style vous avez? Comment on pourrait vous qualifier? C'est ouais, vas-y, je te laisse essayer. C'est vrai que en France on met des étiquettes. Il y a des pays où on s'en fout un petit peu, c'est bon ou c'est pas bon. En France, on aime bien mettre des étiquettes, ouais. Et c'est aussi pour que les gens se retrouvent un petit peu, ouais. pour savoir voilà à quoi s'attendre. Exactement. Bah, justement, en parlant d'étiquettes, en fait, on pourrait dire que c'est du métal moderne. Pour utiliser des termes un peu classiques. Et c'est vrai que la volonté qu'on avait, Kylian et moi, c'était de, au départ, quand on a vraiment fondé le groupe, on voulait viser à la fois un public de métalleux et un public plutôt de personnes qui sont pas forcément baignées dans le métal, mais qui aiment bien tout ce qui est hard rock, les choses plus mélodiques. Donc on s'est dit qu'on va essayer de faire un petit peu un entre-deux avec des passages à la fois à screamer, pour contenter les métalleux, on va dire. Et d'autres passages plus mélodiques, plus recherché sur la partie écriture, composition musicale sur ça. D'accord, donc vous voulez englober un public un peu plus, c'est ça, plus ouais. grand. Parce Exactement. Que c'est vrai que les gens qui écoutent du métal, alors souvent le public qui va au concert de métal n'écoute que du métal aussi. Donc après il y a vraiment les gens qui adorent ça. Et après il y a d'autres personnes aussi qui... comme moi, j'en fais partie aussi. C'est-à-dire que la semaine dernière, il y avait le Creekfest. Je sais pas si vous avez entendu parler avec des groupes de métal. Ça s'est passé à Cléry-Saint-André et organisé par Creek for Zik. Et donc, il y avait 4 groupes sur scène. Et moi, je sais que je suis pas spécialisé, mais... un petit concert de métal de temps en temps, ça fait beaucoup du bien. ça nettoie bien les oreilles et tout ça. Et franchement, on prend beaucoup de plaisir à écouter. Et après, il y a plusieurs styles. Hein. Il y a des trucs, des fois, qui fatiguent un peu plus certaines personnes. Par contre, les gens qui adorent ce style-là vont être contents. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent à mettre quelques balades de temps en temps, ce qui permet un petit peu de concilier tout le monde. Quoi. Exactement. Et c'est donc, ça. C'est un peu ce que vous voulez faire aussi. Est-ce que vous avez des balades? Justement. Ah, ouais, non, une balade, c'est un grand mot, ouais. Non, on n'a pas de balade à proprement parler dans le sens un peu classique du terme, même si, en fait, on essaie d'avoir des morceaux un peu diversifiés. Pour l'instant, on a sorti un EP, donc, avec pas mal d'influences différentes. Et là, on travaille les singles, forcément. Donc, pareil, on essaie d'être assez varié et d'avoir cette petite patte Dark Matter. On essaye d'avoir cette ligne directrice. Effectivement, ouais, à l'époque, moi je faisais j'étais dans un projet de deathcore, donc là c'est vraiment c'est bien méchant, c'est très méchant. C'était Nocentia, c'était du deathcore screamé français, donc vraiment que du bois. D'accord. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis tourné vers Il y a des adeptes aussi pour ça. Voilà, ouais. Donc il en faut pour tous les goûts. Hein. Exactement. Bah justement, moi aussi j'avais besoin d'autre chose, donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et donc la volonté de beaucoup plus mettre de chant clair. Voilà. Très bien. Donc vous nous avez donné envie de découvrir vos morceaux. Super. On va commencer avec le premier. Le premier s'appelle Collapse. C'est le premier qu'on a calé. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais. Donc l'intro de l'EP du coup. C'est l'intro. Très lent, très mélodique et. Très sympa. Donc là, c'est pas tout à fait caractéristique de ce que vous faites. Pas du tout. Très bien. Faut être varié. C'est une introduction. Et ben, on va y aller. Super. On écoute tout de suite Colax, le groupe Dark Matter. Just to make you Oui, effectivement, ça s'arrête assez brutalement. Donc, c'était le premier morceau. C'était le morceau le plus tranquille, oui, forcément. Donc, ce qu'on va faire, il y a pas de souci, on envoie un deuxième morceau et puis on va essayer de répondre parce qu'il y a le téléphone qui sonne en même temps. C'est parti. Like bien dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après, pas un morceau, mais deux morceaux. On a écouté l'introduction, donc le morceau le plus cool de l'album, donc c'est comme ça que vous me l'avez présenté. Et là, le deuxième, là, on voit plutôt la couleur déjà, donc ça s'appelle Désastre, Disaster, ouais, voilà en anglais. Donc, c'est pas un désastre, c'est bien fait, hein. c'est plutôt bien fait. Et tout à l'heure, on parlait justement de hard rock, de métal, et on parlait du Creekfest, et voilà, ben il y a notre ami Christophe qui est là. Salut Christophe. Ouais, salut l'équipe. Voilà, Mavrika, donc live. Mavrika, ouais, en direct. Donc toi Christophe, on parlait justement du Creekfest, donc les concerts de métal, et c'est vrai qu'on a pris une bonne claque avec la dernière édition. C'était donc la semaine dernière à Cléry-Saint-André. C'est ça. Et donc le Creekfest organisé par le Creek for Zik. Vous étiez pas au courant, vous ne saviez pas que ça existait? Non, mais du coup là tout à l'heure on a entendu le nom, on est allé checker, ça a l'air sympa. Ah oui, c'était sympa parce que là il y avait un groupe de la région qui s'appelait Epitude. Ouais. Il y avait un groupe, bon, c'était le moins bon, c'était Prisma, on n'en parle pas. Bah si, parce que si ils ont avec nos potes, on les connaît bien. J'ai déjà vu en live du coup. Ouais, c'est pour rigoler, Christophe, tu sais très bien. Non, c'est le guitariste quand même de Prisma. J'avais compris du coup. Mais oui, je les ai déjà vus en live Prisma, c'est sympa. Ah bah c'est sympa, c'est cool. Et après il y avait deux autres groupes aussi. C'est de plus en plus dur, hein, voilà, notamment d'avoir des préventes. Mmh. C'est pas simple. Ouais, c'est pas facile au niveau organisation, mais je crois que le résultat était là quand même. Je crois que tu es content. Voilà, on est juste à l'équilibre, mais ouais. Voilà, ce qui est géant, encore une fois, au même titre que pour Sortilège, que pour King Crown. Voilà, on fait venir du heavy, du hard rock sur Cléry-Saint-André dans le Loiret, ce qui est assez rare, voire très très rare. Mmh. Et puis là, on a encore une fois pris notre pied pour voilà, on a fait venir là carrément des Italiens, DGM. DGM, ouais. Pour tous ceux qui aiment Dream Theater et compagnie. Wow. Voilà, on a pris notre pied. Il y avait une super ambiance. On n'était pas full, mais ceux qui étaient là, voilà, ils ont pris leurs pieds, ils ont fait le taf, donc on est tous heureux, voilà. Mmh. Voilà, moi j'écoute Dark Matter, j'aime bien découvrir, voilà. J'ai pas dit qu'il y aura une programmation future, hein, forcément, les gars, vous emballez pas. Non. non, mais mine de rien, le Creekfest commence à avoir une bonne réputation dans le milieu. On vient de faire la cinquième, voilà, il y aura une sixième, parce que voilà quoi, on a envie. J'avais 506. On essaye de mélanger un peu les styles. Alors, c'est égoïste, hein, mais c'est moi la prog et moi tout ce qui est death, trash. Voilà quoi. Il y a d'autres lieux pour programmer un petit peu tous ces groupes et moi j'aime bien. Voilà la couleur. Faut que ça en manche, mais il faut qu'il y ait de la mélodie. Voilà. Du métal harmonique, voilà. C'est comme ça qu'on qualifie. Faut qu'il y ait de la mélodie, ouais. Ouais, voilà. Voilà. Et là, c'était une joie de faire découvrir notamment un Mancetis qui nous vient de Grenoble, des GM qui nous viennent d'Italie. Donc, et puis, donc il y aura un 6. Pour l'instant, j'ai des idées pour la prog, voilà. Mais là, on se concentre à donf sur notre gros festival. C'est une première. On espère que ça marche, hein, parce que sinon, il n'y en aura pas d'autres, tout simplement. C'est plus hard rock 80-90, hard FM, rock FM, du Toto, du Van Halen, du Extrême. Voilà, mais parce qu'on aime, voilà, tout simplement, et puis on y croit, on est quasiment sûr que le public va nous suivre, donc... Donc, voilà. Tu nous rappelles les dates. Donc c'est le Zik & Drag. La date, oui. C'est le parce que c'est un festival, mais sur une seule journée. Sur une seule journée, mais il y a 8 groupes. Ah voilà, il y a 8 groupes, mais il y a 2 scènes. Donc voilà. En gros, un petit peu comme le Hellfest, avec les deux main stages, mais en beaucoup plus petit, évidemment. Donc on sera, on démarre ouverture des portes à midi. Premier groupe qui joue 13h et non-stop quasiment jusqu'à 1h du mat, quoi. Voilà. D'accord. Donc très bien. Ça vient de Suède, ça vient de Bulgarie, ça vient. Après, bah, tout le reste, c'est du français, mais c'est du très bon. Il y a quand même monsieur Philippe Calfon, qui est un des meilleurs gratteux du circuit français, quand même, mine de rien. Et puis, je pense qu'on va se régaler. On verra bien. Il y aura peut-être un numéro 2, il n'y en aura peut-être pas, il n'y en aura peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je suis super content une nouvelle fois que, grâce à Mavrika, tu convies des groupes locaux. On est là pour ça justement, pour faire. Des groupes Dark Matter s'ils m'entendent, voilà. Si on n'a pas des gens comme toi qui diffusent nos titres, qui font un coup de boost, regarde sur Orléans, il y a plus que quoi, il y a le droit au pic. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le bar rock d'Orléans, quoi. Il y en a pas d'autres. Hein. C'est ça. Ouais. Après, il y a d'autres coins, mais vraiment, c'est pratiquement que là-bas où il y a une petite scène qui permet au groupe de la région de jouer. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mais bon, si tu veux, voilà, nous, on s'est permis de se dire. On met en place une belle scène sur dans une salle des fêtes qui est généralement bien insonorisée, bien équipée. Oui, il y a le bon matos, il y a les bons techniciens, le son est excellent, il n'y a rien à dire. La volonté, tu t'en es aperçu, Albino, week-end dernier, voilà, on fait au mieux pour tout le monde. Et puis, franchement, ça marche, quoi. Ouais, voilà. Ça se passe super bien. Après, effectivement, il y a le 108, il y a Podisonic, il y a équilibre, musique et équilibre. Mais, il y a un moment donné, si les gens ne se bougent pas et on va tuer l'underground, tout simplement. Et puis, on n'aura plus que des gros shows au Zénith et à Comet. Merde. Il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis il faut pas oublier que les groupes internationaux ont commencé par être des groupes locaux. Oublier. Hein. Donc nous on les prend vraiment à la base. C'est-à-dire que parmi les artistes qu'on reçoit, on espère qu'un jour ils seront des très connus et tout ça. Et C'était avant. Le problème c'est que toi depuis le Covid, on s'aperçoit que déjà les préventes, c'est plus du tout comme avant. Avant, les préventes te permettaient de jauger un petit peu ton événement, de prévoir tout ce qui est quantité de bouffe et de boissons derrière, t'amener un petit peu de trésor dans ton événement. C'est mort. Maintenant, c'est mort. Peut-être que tu dis, on vous donne un litre d'essence pour chaque billet acheté. Ça, c'est le bon plan, ça. Ça, c'est le bon plan. Non, mais il n'y a pas que l'essence. Les gens, maintenant, faut savoir que le matin même, ils se réveillent, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et, ils prennent leur billet au dernier moment, ils bougent au dernier moment. Alors, c'est très bien, parce qu'ils bougent. Voilà. C'est hyper casse-gueule pour des assos comme la nôtre. Qui ont besoin d'avoir un petit recul quand même sur tout ça. Donc moi j'y crois encore, franchement, hein, l'asso existe parce que j'y crois. Là on mise tout là sur le gros festoche. Alors désolé les gars de Dark Matter, c'est pas tout à fait dans le style heavy. Mais comme dirait l'autre, pourquoi pas un jour, peut-être, je sais pas, rien n'a été défini. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de demandes. Depuis le Creekfest Exit, je reçois une bonne dizaine de demandes par semaine de programmation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a une... voilà, il y a besoin de développer tout ça. Après, on a des soi-disant des scènes de musique actuelle. Le problème, c'est qu'elles sont inaccessibles si tu connais pas bien le programmateur. Voilà. Mmh. Et voilà, tout est compliqué, mais faut continuer à se battre. Moi, c'est ce que je dis. Après, on y arrivera. J'en suis quasiment persuadé. En plus, il y a l'IA qui se fout là-dedans maintenant. En plus, c'est la folie douce. Enfin, bon, bref. Et en tout cas, un grand, grand merci à des radios comme Radio Arc-en-Ciel. Albino, là, je mets un petit peu de beurre sur la tartine, mais franchement, c'est grâce à des gens comme vous qu'on arrive à se faire connaître, à avoir du soutien, voilà. À savoir que tel ou tel groupe régional existe et a besoin de bouger, que ça soit en la vente d'albums, que ça soit pour des lives, tant mieux pour le Printemps de Bourges, je suis super heureux. L'autre Vanessa Paradis, voilà, qui bosse tout et arrivée là, elle joue pas. Tranquille, quoi. Bon, ok, elle peut avoir un problème de santé, mais moi j'ai mal aux couilles et je joue quand même. Bref. Voilà. Bref. En tout cas, bravo à vous, les gars, de Dark Matter. Merci encore. Merci. Un grand, grand merci à Mavrika et à Arc-en-Ciel d'exister et de nous soutenir, la scène locale. Et puis, voilà, un mot à dire, achetez vos préventes, on en a besoin. Et puis, bougez-vous le cul et venez au concert. Voilà. Allez au concert, live, voilà. On n'arrête pas de le dire, ça. Le live n'aura jamais le dernier mot, aura le dernier mot, pardon, sur l'IA. Voilà. Très bien, en tout cas, merci Christophe pour tout ce que tu fais pour la musique. Hein. Je sais que tu es heureusement suivi par beaucoup de bénévoles dans ton association. Et ouais. Donc on encourage toutes les associations comme ça. Tu fais partie des gens qui organisent des concerts dans la région et on te souhaite de continuer à le faire le plus longtemps possible et que ça progresse de plus en plus, comme on a pu le voir depuis ces dernières années, en tout cas. Merci beaucoup à toi et puis à très bientôt. Allez, la bise à vous, merci beaucoup. Ciao, ciao. Allez, salut Chris. Voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir. Donc, on parlait tout à l'heure du Creekfest et on a l'organisateur qui nous appelle. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, il y avait Epitude, il y avait le groupe Prisma, il y avait le groupe Amon Cetis et le groupe DGM. Donc, on a passé un très bon moment. Et c'est vrai que quand on fait ces soirées-là, on va au concert. Ben, moi, je suis rentré, il était 1h du matin, mais j'avais pas envie de me coucher tout de suite parce qu'on c'est est quand même. Les effectivement. Non, je me protège. Ah, je fais toujours très attention parce que moi, j'aime écouter la bonne musique et c'est vrai que protégez-vous les oreilles quand ça envoie fort. Et on peut écouter même du métal. Bon, c'est bien quand c'est fort, mais il faut pas que ça agresse non plus les oreilles. Il faut vraiment que ce soit un son de qualité et c'était le cas. Donc voilà, donc des gens qui se décarcassent pour organiser des concerts. Donc voilà, il va vous écouter. Si ça lui plaît, peut-être un jour vous programmera-t-il voilà dans ces événements. Voilà, donc on peut aussi parler de l'association Mavrika qui fait aussi les Mavrika Live plusieurs fois dans l'année. Donc pour 2027, il y a deux dates dans la grande salle et deux dates dans l'auditorium qui sont prévues. Super. Donc on a fait la demande. Maintenant, on attend de savoir quand est-ce que ça va se faire. Mais la dernière fois, ça s'était bien passé. On espère que la prochaine fois, il y aura encore un peu plus de monde parce que super. C'est vrai que c'est pas évident de faire bouger le monde depuis le Covid, surtout ils nous l'ont dit clair. Ça. Mais les gens ils ont besoin maintenant de sortir un peu. Ouais, ils ont des mal. Ou alors ils décident au dernier moment. Bon, ça je dis rien parce que je suis un peu pareil. Il y a des fois le soir, samedi soir, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ça. Bon, j'y vais pas. Et... Bon allez, j'y vais. Et des fois je m'organise avec d'autres personnes. Donc dans ce cas-là, quand on s'organise avec quelqu'un, voilà, on s'est donné rendez-vous, on y va ensemble. Ok, d'accord, on ira là-haut. Mais des fois qu'on est tout seul, on se dit mais je me dis, sur place, je trouve toujours quelqu'un et on passe un bon moment, c'est des rencontres. Et puis, quand on va au concert régulièrement, on retrouve les mêmes personnes. Voilà, les passionnés, ils sont là. Et à la fin, ça devient des potes. Et puis, on écoute de la bonne musique, on boit un coup ensemble et puis on passe un bon moment, quoi. C'est ça le plus important. Pas hésiter à sortir seul, ouais, je suis d'accord. Voilà. Très bien, donc on revient donc à Dark Matter. Donc on a écouté deux morceaux à la suite. Oui. Désastre. Est-ce que vous nous parlez un petit peu du Disaster? Voilà. Désastre, c'est beau aussi en français. Ouais. Ça en vient, j'ai traduit. C'est vrai que normalement on ne devrait pas traduire les titres, mais c'est aussi intéressant de savoir de quoi ça parle, parce que tout le monde ne comprend pas l'anglais, même si l'anglais sonne très bien pour le rock and roll, pour le rock en général. On comprend pas toujours. Donc alors, qu'est-ce qui vous donne l'envie d'écrire des textes, justement? Ça parle de quoi, déjà, ce morceau-là, par exemple? Disaster, ouais, c'est pas le morceau le plus joyeux de l'album. Oui, on imagine. Non, mais c'est un recueil de plein de choses au niveau des textes. Celui-là était peut-être un peu plus personnel sur les moments où on se sent pas forcément au top de sa forme, mais c'est aussi en parler qui fait que on se sent mieux. C'est un peu cathartique, on va dire. Voilà. D'accord. J'avais toujours un peu gêné de parler de niveau écriture. J'aurais pas dû. Ouais, c'est pour ça que ouais, c'est assez personnel, mais c'est. C'est pour ça que tu écris en anglais. Peut-être plus facile d'écrire en anglais, ouais. Des thèmes plus perso. C'est ce que les gens me disent souvent. Voilà, quand c'est des textes en français, les gens, quand ils les interprètent, devant un public français, ils savent que tout le monde comprend ce qu'il dit. Donc des fois, ils ont l'impression d'être un peu tout nu, de se mettre un peu tout nu devant tout le monde. C'est ça, alors que là, tu peux à la limite dire des choses. Tu dis, bah, il y a la moitié qui comprend pas l'anglais. ça va passer comme ça. Voilà. Et pour le coup, Disaster, ce qui est super intéressant, c'est que nous, au moment où on a composé ça, on était beaucoup influencé par. Je crois qu'ils sortaient juste Falling in Reverse leur musique. Comment elle s'appelait déjà? Préquel peut-être. Oh enfin, oui, c'est possible. Tellement il rappe. Et en fait, on a beaucoup aimé ce côté mélange de rap et de métal. Mm-hmm. Et on s'est dit, bah ouais, ça pourrait être intéressant d'exploiter cette idée-là. C'est un peu né comme ça pour les. Carrément même. Carrément sur l'écriture. Bon, de toute façon, toutes les fusions sont bonnes. C'est vrai que les musiques se divisent. Et de temps en temps, c'est bien aussi qu'elles se regroupent à nouveau. Exactement. Parce que bon, quand la musique elle est bonne. Hein. Après, quel que soit le style, on arrive toujours à adapter. Hein. Voilà. Carrément. On peut très bien jouer un Georges Brassens en métal et ça sera du métal. Hein, simplement parce que c'est interprété d'une manière différente. C'est tout. Exactement. Mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Donc voilà. je me rends compte que j'ai cité un peu toutes les prochaines dates de Dark Matter, mais pas la dernière qui va être le 27 juin donc à Saint-Georges-sur-Arnon, et donc c'est un festival qui s'appelle le Rock'n'Fest. Voilà, Rock'n'Fest qui va se dérouler. Donc on va jouer avec Polymaze, qui est un groupe avec lequel on a joué aussi déjà à Orléans, un groupe très très sympa. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Polymaze, vraiment très non bien. Mais bon, on est là pour découvrir, hein. on connaît pas tout, hein. même si ça fait déjà depuis 2010 que je fais des émissions, que je découvre des groupes, il y a toujours encore des groupes que je connais toujours. Pas et j'en sois régulièrement, hein. Toutes les semaines je reçois en ce moment c'est entre 3 et 5 demandes pour venir dans l'émission et des groupes que je connais pas. Là j'en ai reçu de Blois dernièrement aussi, ils me demandent on est intéressé de venir dans l'émission, etc., parce qu'on sort un album, etc. Je dis ok, on prend contact, et puis voilà, et ça se fait comme ça, et les gens viennent, bon, il y en a qui viennent d'Orléans, il y en a qui viennent de Blois, Tours, bon, et il y en a qui viennent de beaucoup plus loin, et c'est assez étonnant, et de Paris assez régulièrement, hein, et de Tours aussi, hein. C'est vrai que Tours, c'est quand même une ville, les gens, ils prennent leur voiture, ils viennent dans l'émission, et puis on fait l'émission de 3 heures, on passe un peu de temps après l'émission, et puis après, ils retournent encore, voilà, et depuis que je fais l'émission, on en est à 683 émissions. Il y a eu que deux groupes qui sont pas venus de projets. Ça arrive, hein, sur 600 et quelques. Ouais. Mais finalement, les groupes sont demandeurs. Voilà, on leur donne un temps de parole sur une antenne, sur une radio. Donc ça, c'est important. Et puis c'est pour ça qu'il faut écouter Radio Arc-en-Ciel le vendredi soir pour découvrir les groupes de la région. Ça, c'est important. Très bien. Et en plus, ce que je peux regarder aussi, c'est sur Facebook, quand il y a les petits j'aime, les petits commentaires, c'est souvent des musiciens. Voilà, c'est beaucoup, on parlait tout à l'heure des rencontres des musiciens. Ben, Radio Arc-en-Ciel, c'est un petit peu ça aussi, le vendredi soir, avec l'émission Mavrika. On a les musiciens qui écoutent d'autres musiciens, qui découvrent d'autres personnes. Et puis, des fois, il y a aussi des rencontres qui se font grâce à l'émission Mavrika. Et puis, après, on les voit sur scène. Tiens, ils se connaissaient pas, mais maintenant, ils se connaissent. Ça, ils jouent ensemble, etc. Donc, le but, il est là, justement, de regrouper les passionnés de musique pour qu'ils nous fassent rêver et puis voyager avec leur musique. Quelles sont vos influences? Alors, vous êtes trois déjà. Il nous manque notre batteur ce soir. Il manque, Il manque le batteur, oui, tout à fait. Ouais. Qui est déjà venu dans l'émission Mavrica avec d'autres projets, oui. Il y a très longtemps, oui. Et qui malheureusement ce soir n'est pas là. Il m'avait envoyé un petit message, d'ailleurs je crois que j'ai oublié de lui répondre, mais je lui répondrai, oui, pas mais de souci. Parce que des fois j'ai tellement de trucs, je les vois défiler, mais après des fois je zappe un petit peu. Mais enfin, je savais qu'il serait pas là. Mais donc vous êtes que trois ce soir dans l'émission, mais ouais. Vous avez sûrement des références différentes, des gens qui vous ont influencé, qui ne sont pas forcément les mêmes les uns que les autres. Bah ouais, c'est carrément. Bah, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on a, en tout cas pour ma part, enfin même tous, en fait, je pense, on a des influences vraiment très différentes. Moi, à la base, j'étais pas du tout métalleux. T'étais dans le rap, non? Non, j'écoutais beaucoup de jazz et de rap. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi, j'ai fait du saxophone à l'époque. Ok. Et puis du coup, bah, j'ai voulu changer un peu de style de musique. Après, j'ai rencontré Kylian et puis. Il m'a donné goût au métal et puis on est parti de ça, quoi. C'est vrai que je dis souvent que finalement c'est culturel. Si on est avec des copains qui écoutent du métal, par exemple, ils vont vouloir nous faire découvrir des choses, ils vont nous emmener au concert et puis on va rentrer dans le truc et puis parce que finalement c'est une culture, la musique, ça s'apprend. Exactement. Il y a des choses c'est inné, on aime, on n'aime pas, mais il y a aussi des choses des fois qu'on apprend à comprendre et je sais que dernièrement on a reçu un Alex Delapec qui est venu là, c'était un rappeur de région parisienne et nous le rap c'était pas vraiment notre truc et on appréhendait un petit peu et finalement on a fait une super émission et il nous a parlé plein de choses, il nous a expliqué plein de choses et voilà, donc on s'est ouvert au rap et il nous a fait un peu redécouvrir ce style musical et voilà, il faut jamais se fermer, il faut écouter plein de choses, il y a plein de trucs différents. Je dirais même que c'est même hyper important, même quand on compose, d'écouter plein de styles en fait, parce que pour moi c'est le meilleur moyen de pas s'enfermer dans une case en fait, ouais. Et vraiment quand on essaie de s'ouvrir un peu à plein de styles, on a des idées qui arrivent, on a plus d'inspiration et puis on peut potentiellement aussi se démarquer parce que on a forcément plus de chances de s'enfermer dans une case quand on écoute un peu toujours la même chose, quoi. Ouais, tout à fait. Complètement. Ouais. Et donc coup, vous écoutez quoi alors, de jazz? Il y a des noms là, des noms de groupes, des noms de... Je pense que pour le coup là-dessus je suis un peu l'intrus du groupe. Mais ouais, moi j'étais beaucoup Dave Brubeck à l'époque, Paul Desmond en saxophoniste, d'accord, John Coltrane, enfin tous les bands classiques, quoi. Mmh. J'étais un grand fan de ça et puis ouais, voilà, en termes de jazz, après moi je suis un très grand fan de guitare manouche, d'accord. Je trouve les guitaristes de jazz manouche impressionnants, enfin j'ai été plusieurs fois à des concerts et j'ai été le plus bluffé quand je les ai vus jouer, le côté technique, improvisation, inspiration à l'instant, enfin c'est vraiment très très beau à voir. Je vous conseille aux gens qui connaissent pas d'écouter un peu, vous allez voir, c'est incroyable. En plus on a des légendes en France, hein, Django Reinhardt. Ouais, tout à fait, ouais. Écoutez, vous allez être bluffé. ça va faire plaisir à Patrick, le guitariste des Swing Camille, parce que c'est un groupe de swing manouche. Bah ouais, et on les a fait jouer il y a pas très longtemps, c'était à l'auditorium et c'est vrai que moi c'était pas ma culture comme ça, mais finalement j'ai appris à découvrir et c'est super agréable. Écoutez, ah ouais, c'est beau, ouais. Là on voyage un peu, j'ai l'impression qu'il y a un rythme déjà, le rythme de la guitare qui accompagne, etc. C'est très dur à jouer en plus, hein. J'imagine. Et puis après il y a le guitariste soliste qui fait et puis la contrebasse aussi dans ce groupe là ouais, c'est vrai que c'est, et on a de très bons musiciens d'ailleurs, bon, c'est quand même en France qu'il y a les meilleurs musiciens de jazz manouche, hein, je suppose. Oui, complètement. Ouais, je suis d'accord complètement. Donc voilà. Donc, Europe de l'Est aussi. Aussi, ouais, l'Est, ouais, c'est vrai qu'il y a le côté manouche qui vient justement d'Europe de l'Est. Ouais, tout à fait. Et sinon, ouais, sur les influences metalcore, on va dire, c'est un peu le genre qui est un peu fourre-tout. Je sais que Florian et moi, on écoute pas mal de metal moderne. Après, dans les influences, c'est des groupes qui sont pas forcément super connus en France, mais qui sont excellents. Il y avait Currents qu'on aimait bien, ouais. Caskets qu'on aime beaucoup, qu'on a vu en live, voilà, c'était un mélange dont on a parlé, ouais, The World Alive, puis on a parlé déjà Flaming Universe, enfin il y a beaucoup beaucoup de groupes qui nous influencent et voilà, qu'on aime énormément. D'accord. Et moi, bah, outre le metal moderne, moi, je suis plutôt doom metal, death metal mélodique, des groupes comme Swallow the Sun, Draconian, Amen Ra, des choses comme ça, et j'aime aussi beaucoup le rap. D'accord. Donc, le rap français, j'en écoute régulièrement. Notamment des en ce moment, j'écoute Wallace Clever, qui est un gars de Blois, qui est passé d'ailleurs à l'Astro en octobre, je crois, dernier. J'avais pas pu aller le voir, mais en tout cas, c'est sympa. C'est plutôt des choses assez mélancoliques, assez tristes que j'écoute. D'accord. Rap. Très bien. Donc et voilà, comme quoi vous êtes d'accord. Comme Kylian. J'ai grandi avec Escape the Fate, avec Asking Alexandria, tous ces groupes de quand j'étais jeune. Bring Me the Horizon à l'époque où ils étaient un petit peu vénères. Et j'ai pris le relais sur Bring Me. Je écoute encore tout le temps. Et Asking Alexandria que j'écoute en boucle en ce moment aussi. D'accord, voilà. Plein de noms comme ça. Moi, il y en a plein que j'ai pas capté vraiment, mais ça va me donner envie justement de découvrir. J'espère que les auditeurs aussi vont écouter votre style, ils vont dire tiens, ils sont inspirés de tel ou tel groupe, ils vont aller chercher les noms. Voilà, aujourd'hui on a cet avantage-là, c'est qu'on est en 2026 et on peut aller sur Internet et avec des noms, on arrive à trouver pas mal de choses. C'était beaucoup plus difficile à notre époque où il fallait aller voir le disquaire en lui chantant la chanson parce qu'on n'avait pas retenu vraiment le nom parce que c'était passé la radio et puis Tata avait parlé sur la musique, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une facilité et on a tellement de bons artistes et on a aussi. Mais justement, on a peut-être trop l'embarras du choix. Justement, il y a tellement d'artistes qu'on n'a pas le temps de les écouter tous, ce qui est un petit peu dommage et ce qui explique aussi la manière d'écouter d'aujourd'hui, c'est qu'on scrolle un peu, hein, on écoute un peu l'introduction de l'une, et on n'écoute rien à fond, et c'est un petit peu dommage. Voilà, il faut reprendre le disque, le temps d'écouter, comme quand on écoutait un disque, d'écouter d'un bout à l'autre, et puis le morceau en entier. Il faut se poser pour ça, mais on a une vie un petit peu de fou aussi aujourd'hui, donc c'est pas toujours facile. On continue à écouter un petit peu de musique, on continue avec le troisième morceau. Holding Hands. Holding Hands, c'est le morceau qui clôture dans l'ordre l'EP. D'accord. Et qu'on aime beaucoup faire en fin de set. Un morceau un peu plus lent, un peu plus mélancolique. Et avec un message un peu plus positif, un peu plus d'espoir. D'accord. Donc normalement, c'était le morceau qu'on aurait dû garder pour la fin. Mais... Non, bah, spécialement. Non. Il n'y a pas d'ordre vraiment ou... Il y a un petit ordre dans l'EP, puisque là, on a écouté l'intro en premier qui s'appelle Collapse. Mm-hmm. Et ensuite, après, c'est un choix artistique, mais c'était surtout Holding Hands qu'on aimait bien... pour clôturer dans l'idée. Ouais. D'accord. Parce que là, c'est vrai que vous m'avez donné en fichier numérique. Bah donc, ouais, forcément, ça s'est mis dans l'ordre alphabétique, à mon avis. C'est pour ça qu'on est en train de les écouter dans l'ordre c'est alphabétique. Très bien. Et du coup, pourquoi pas? On va faire coup, ça comme ça. Du coup, c'est très bien parce que ça suit un peu aussi l'évolution musicale qu'on a prise. C'est vrai. D'accord. En fait, on voit un peu les étapes par lesquelles on est passé. Voilà, on en a découvert un secret, c'est qu'en vérité, ils prennent toutes les lettres de l'alphabet et à chaque fois, ils composent par rapport à la lettre de l'alphabet. C'est comme ça que ça se passe. C'est un concept. On écoute tout de suite Holding Hands, le groupe Dark Matter. Voilà, ça me rappelle un petit peu l'époque où il y avait les disques, des fois les vinyles, et puis des fois il suffisait qu'on touche le disque sans faire exprès, et ça le ralentissait, et c'est comme ça que se termine ce morceau qu'on vient d'écouter. Alors on a écouté Dark Matter avec Holding Hands, et à l'instant c'était le groupe italien DGM avec Fading and Falling. Donc vous avez pu voir la voix, une très belle voix, très mélodieuse. Et puis là, c'est un morceau un peu cool, hein, donc un peu une balade qui met un petit peu en valeur, encore un peu plus en valeur sa voix et la qualité des musiciens en tout cas. Voilà, donc on revient avec Dark Matter pour connaître tout sur leur univers, parce que là, je regardais l'heure et le temps passe à une vitesse incroyable. Alors quand c'est ça se passe très vite comme ça, c'est que ça se passe bien. Hein, les trucs qui sont un peu douloureux et tout ça, on a l'impression que c'est éternel, ça en finit pas. Et les émissions, des fois 3 heures, on les voit pas passer. Et c'est pour ça que des fois on rend l'antenne et puis derrière on discute. Et ça nous arrive des fois de discuter pendant pas mal de temps après l'émission. En tout cas, ce soir, on reçoit le groupe Dark Matter. On est là pour découvrir tout leur univers. L'album, on est en train de le découvrir. Alors, il s'appelle comment cet album? Et bien, pour le coup, il s'appelle Dark Matter. Voilà, c'est pas foulé. C'est le nom éponyme. C'est l'EP éponyme. On voulait on voulait sortir comme ça pour donner un peu l'idée de ce qu'on faisait, la patte. Et donc, c'était un peu évident de lui donner le nom du projet. Voilà. D'accord. Donc, alors, ça a été enregistré par vos soins. C'est vous qui l'avez fait. Tous les ans. Comment ça se passe? C'est chez l'un, c'est l'autre. Qui c'est qui a un home studio? C'est moi. D'accord. C'est moi. Parce que des fois, aujourd'hui, les musiciens, au début, on allait dans les studios d'enregistrement, il fallait payer très cher et tout ça. Aujourd'hui, il y a des petits home studios qui ont permis aux musiciens de faire des maquettes, des choses comme ça. Et de plus en plus, les home studios, ça devient des vrais studios parce qu'il y a quand même des qualités, et puis des prix qui ont baissé aussi, par rapport à ce qu'à une époque, quand on pense aux consoles des Pink Floyd, qui valaient des millions, alors qu'aujourd'hui c'est complètement dépassé, mais qui à l'époque nous ont quand même laissé des albums magnifiques. Pour c'était un autre travail. Aujourd'hui, les gens, ils ont les studios, ils ont même des fois dans le groupe, il y en a plusieurs qui en ont, donc des fois ils enregistrent d'un côté la basse, de l'autre côté la guitare, de l'autre côté la batterie, puis ils remixent tout ça, et donc ça se fait de plus en plus comme ça. Donc c'est votre cas à vous, non? Ou non, vous retrouvez quand même. Il y a plutôt un studio chez nous, c'est Kylian. Celui de Kylian. On s'enregistre effectivement. Okay. Moi, en tout cas, je sais que je m'enregistre à la maison parce que j'ai un minimum d'équipement pour m'enregistrer. D'accord. Mais après, toute la partie mixage, définition du son et maquettage, c'est plutôt chez Kylian. Donc, oui, exactement. À l'exception de notre dernier single, Hors Glace, qui a été mixé, masterisé par Mojo Sound Studio. Voilà. Donc, d'accord. Qui a été fait cette étape-là qui a été externalisée, mais sur l'EP, ouais, donc on s'est amusé à record tout enregistré à la maison. Donc on a été plutôt satisfait de la qualité en plus, donc on a dit. Oui, la qualité, elle est bien, hein, franchement, parce que c'est vrai qu'à une époque, bon, si on remonte à une époque que ces jeunes n'ont pas connue, à l'époque des cassettes, et moi des fois, ça m'arrive de retomber sur des maquettes qui avaient été faites sur des cassettes en multipiste. À l'époque, il y avait la possibilité, il y avait quand même des enregistreurs, mixeurs de cassettes, 4 pistes. Parce qu'il y a il faut savoir que c'est 2 pistes stéréo, mais reverse. Donc, on peut retourner les cassettes. Et ça nous permettait, sur certains enregistreurs, d'enregistrer 4 pistes, dans un seul sens. Sur les cassettes que tout le monde connaissait. Vous connaissez les cassettes? Oui. Alors, quand j'écoute des fois certaines maquettes, je me dis, ouais, bon, c'est un document. Mais bon, le son, c'était pas vraiment ça, quoi. Mais à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas le choix. Les cassettes, déjà c'était le premier support sur lequel on pouvait enregistrer s'enregistrer soi-même. Déjà, c'était une première chose. Et puis, des fois, quand tu repassais la cassette, que tu remettais, que t'enregistrais, t'avais sur le magnétique, t'avais des petites phases qui restaient quand même sur le. Ouais, et puis après, si on posait les cassettes sur les enceintes, c'est pareil. Après, le son, il montait, il descendait. À chaque tour de la bobine, quoi. Donc il y avait des choses bien. C'est fou comme ça a évolué, hein, c'est incroyable. Ça a évolué aujourd'hui très vite ça s'est démocratisé, et dans un sens c'est quand même bien parce que ça permet à tout le monde entre guillemets de s'essayer, ça rend tout accessible, mais il y a quand même une complexité dans le traitement du son. On n'est pas tous ingénieurs son non plus, on n'a pas tous une formation, donc et puis il y a une vraie richesse aussi dans le son analogique, donc tout ça, c'est des choses qui sont venues naturellement et qui sont vouées à évoluer. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est plus exigeant aussi sur les qualités, parce que quand on regarde, il y a certains morceaux qu'on parlait tout à l'heure des Pink Floyd avec Dark Side of the Moon, qui avait été enregistré sur une console. Je sais pas si vous avez vu la console tout en bois là-haut avec des trucs montés dessus, les transformateurs qui sont en dessous. Voilà, c'était une autre époque. Elle vaut très cher ces trucs-là, parce que c'était celle des Pink Floyd de comment il s'appelait, je me souviens plus. Je me souviens plus l'ingénieur qui les avait enregistrés. Et encore avant, il faut savoir que les morceaux qu'on écoutait dans les années 50-60, c'était le groupe qui se mettait autour d'un micro et puis on joue allez hop. Et c'était capturé comme ça, one shot, il n'y avait pas de remixage, etc. On entendait un petit peu la qualité de la résonance de la pièce. Il y avait un micro pour plusieurs, donc à tour de rôle, ils s'approchaient du micro et puis ils jouaient comme ça. mais il y a des morceaux, des standards aujourd'hui qu'on écoute encore, qui ont été enregistrés comme ça, il faut quand même bien l'avouer. Ouais. Et après, quand on pense aussi aux années 70, où on découvrait un petit peu la stéréo, alors là, carrément, si vous écoutez les premiers mixages, c'était le guitariste, il est à droite et l'autre il est à gauche. Il n'y avait pas de. On ne panait pas vraiment. Chacun sa vie. Mais après, ça a aussi un côté. Je sais que il n'y a pas longtemps, j'écoutais un morceau de Lenny Kravitz où il avait enregistré dans ces conditions-là aussi, où on entendait carrément une guitare. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu parce que c'était la colorisation aussi de cette époque-là. Chaque époque. Grâce à la technologie, a apporté quelque chose de différent. Donc, c'est l'évolution, ça fait part du truc. Hein. Je vois que nous, on a quand même quelques décennies d'écart. Je veux dire, vous n'êtes pas déjà dépassé un petit peu par les réseaux sociaux, parce que j'entendais tout à l'heure, j'étais en arrière-salle dans le studio en face, j'en parlais de TikTok. Ouais, on n'a pas encore tout ça. Donc, pourtant, TikTok, c'est de votre génération. Ouais, et au niveau de la musique, je parle pas de tout ce qu'on peut y voir, mais la musique, vous me paraissiez déjà dépassé par la. Alors dépassé, peut-être pas. Ouais, c'est peut-être pas le mot tellement plus dépassé, dans l'utilisation, mais je pense. Dans l'utilisation du. Ouais. Après, c'est beaucoup de com. Hein, les réseaux sociaux, c'est surtout. C'est plus un travail de com pour le coup. Quand t'as trop de com, tu as com. Non. Ah, ça fonctionne après. Il y a beaucoup de groupes qui ont percé, des gens qui ont fait des milliers et des milliers de vues. Grâce à ça aussi, donc je pense que c'est un coup à prendre. Et ça vient de quoi d'après toi? Des milliers de vues, ça c'est un bol, c'est des algorithmes en partie aussi. De ce que tu mets, donc dans ce que tu vas remplir dans tes tags, de ce que tu vas mettre dans ton descriptif. Ouais, bien sûr. Les trends, les trucs un peu à la mode, etc. Il faut être quand même. Toi, ça parlera, c'est pas trop ta partie. C'est pas ça, mais c'est vrai que j'ai pas grandi du tout avec TikTok. Pour moi, TikTok, c'est un réseau que j'ai jamais installé, donc pas du tout. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que ça enferme un petit peu les groupes dans des cases. Il y a des groupes qui font beaucoup de contenu sur TikTok, sur Instagram. Souvent, c'est les mêmes choses qu'on retrouve sous les deux réseaux. Et au final, moi, quand je vois ces groupes passer, je me dis, c'est encore eux, c'est les gars de TikTok, quoi. J'ai du mal encore à les prendre au sérieux. Et moi, j'aurais du mal à faire ce type de contenu. Après, il y a des contenus qui sont intéressants quand même sur la musique. Mais ceux-là, ça me parle pas trop. C'est peut-être un problème générationnel aussi. Pour vous, pour percer, c'est Facebook, c'est Has-Been. C'est dur à dire jusque-là, effectivement. Mais franchement, je pense que ça dépend. Ouais. Facebook, c'est ultra bien pour les événements encore. C'est encore bien utilisé pour l'organisation d'événements, faire de la communication autour d'événements précis, c'est super. C'est juste qu'en fait, chaque plateforme a, on va dire, ses pour et ses contre. Il faut être visible un peu partout maintenant aujourd'hui. C'est ça. C'est la difficulté et c'est un métier en fait. C'est carrément un métier. Il y a des gens qui font très bien et nous, c'est encore très maison, donc on fait tout nous-mêmes. C'est assez difficile, il faut pas non plus se mentir. Mais il faut se donner les chances de le faire, quoi. On essaye de faire un contenu qui est ciblé pour chaque plateforme. Ouais. Alors on n'est pas des pros de la com, on fait ça avec le cœur en tout cas. T'es pas un pro de la com, mais t'es pas non plus, comme tu disais tout à l'heure, un pro de la préparation au mastering. Tu apprends. Ouais. C'est ça. Ah oui. Dans le temps. aujourd'hui, les musiciens, ils sont. Musiciens, ils sont techniciens, ils sont aussi dans la com. Donc c'est vrai, c'est plein de choses. Hein. Après, il faut vraiment être multitâche. Hein. La technologie, c'est vrai que c'est hyper intéressant pour faire de la musique, mais on peut vite tomber aussi dans le piège de parce qu'en fait c'est des réseaux d'influence. En fait, on est influencé par ce qu'on voit et c'est des algorithmes. Donc on va avoir tel style de musique et du coup l'algo va nous montrer toujours un peu le même style tout le temps. Et on peut facilement tomber dans le piège d'être toujours dans une case, en fait. Parce que l'algo, il a capté la case où t'es, en fait. Et l'algo, il est fait pour que tu restes sur l'écran. Donc, il va te montrer la même chose tout le temps. Donc, c'est important aussi d'avoir un petit côté, voir un peu la musique à côté. Je pense qu'il va être le temps d'envoyer un morceau. C'est pour ça. C'est Insta qui va cibler. C'est parti. Voilà, donc on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après un morceau que nous avons écouté des Dark Matter qui s'appelle In Your Shadows. Et bien, en même temps, on a une personne aussi qui est au téléphone, donc on va tout de suite la retrouver. Allô, bonsoir. Oui, salut. Salut. Ça va bien, Albino? Ça va bien, Benoît. Bon, je venais faire un petit coco. Ça nous fait plaisir. Au voilà. Amateur, voilà. Salut Benoît. Salut Benoît. Salut les gars. Vous avez reconnu. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Donc il vous connaît, il vous suit déjà depuis pas mal de temps. Puis Benoît, c'est pareil, il est venu dans l'émission à plusieurs reprises déjà, et ça fait un petit moment quand même. Ouais, parce que on se connaît depuis l'époque de Miguel. Ah, parce que nous, il y a plusieurs époques. Ça date des tout débuts, en fin de compte. Ouais, et puis Miguel, tu sais qu'il était venu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, là. Alors, j'ai appris qu'il voulait relancer son projet, voilà, mais bon. Ouais. Il avait cherché, visiblement, à me contacter, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais. D'accord, ok. Bon, j'ai voilà. Pas besoin d'aller plus loin dans la démarche. Voilà. D'accord, mais, ok. Donc voilà. Ça a été une contribution pendant un certain temps. Aujourd'hui, maintenant, oui, t'es passé à autre chose. Voilà, et toi, au niveau de la musique, t'en es où? C'est un passage de ma vie musicale. Mmh. Voilà. Et toi, au niveau de la musique, t'en es où actuellement? J'en suis où? Ben, je suis en recherche de guitariste. Bah oui, tiens. puisque Samy nous a lâchement était tombé. Ça balance. D'accord, ok. Donc mais c'est très très bien qu'il ait décidé de s'investir à fond dans un projet qui lui tient à cœur. Je trouve que c'est une bonne chose plutôt que de vouloir s'éparpiller ou de promettre quelque chose qu'on peut pas tenir. Mmh. Donc je trouve que c'est bien. C'est vrai que des fois il faut courageux aussi pour lui voilà de faire cette démarche. Et puis nous on a passé de très bons moments avec lui. On a kiffé jouer avec lui quand on a joué à l'Argonaute l'année dernière au mois de mai, voilà, c'était un cool, super concert, donc voilà. Et puis longue vie à Dark Matter parce que c'est très prometteur, ça marche très très bien, et c'est toujours un plaisir de les voir sur scène. C'est très dynamique, voilà, ils ont du talent, ils ont une bonne carrière qui peut être qui peut partir, quoi, parce mm-hmm. que voilà, c'est quelque chose qui, je pense, à l'heure actuelle est de plus en plus écouté. Le fait de mélanger des styles un peu différents, comme disait Samy, c'est du métal moderne, et ça passe très très bien. Ça a un avantage aussi que ça peut parler à plusieurs de personnes, comme tu disais. En fin de compte, il faut que ça touche un maximum de gens, mmh. et pas seulement dans le métal. Le fait de mélanger un peu de rap aussi, ça permet aussi de toucher d'autres personnes. Et voilà, ils ont, je pense, quelque chose qui fait que ça va finir par décoller petit à petit. Voilà, c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Merci hein, pour ton voilà. message, Ben, ça fait plaisir. C'est très gentil. Courage aussi de ton côté avec HTS. Et en plus, ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans l'émission Mavrika, c'est les meilleurs artistes qui viennent dans le studio. Hein, voilà, comme une sélection. Hein. tout le monde ne vient pas dans le studio. Une bonne de Radio émission, ça permet aussi aux artistes de se faire connaître. Bah, c'est le but, hein, tu sais bien. Le fait de pouvoir passer en radio, bah, c'est pas négligeable pour les artistes. Hein, ça peut permettre d'être entendu et de trouver des dates derrière. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Très bien. Donc, des émissions qui sont faites par des passionnés. C'est ça qui est bien. Bah oui, c'est si on n'était pas passionné, on ferait pas une émission depuis aussi longtemps. Hein. Je me doute. Mais en même temps, on en a passé des bons moments ensemble déjà ici dans l'émission avec toi et avec d'autres artistes. À chaque fois, ça permet de rencontrer plein de gens différents, de tous les milieux, de tous les styles. Et j'essaie de partager ça aussi avec les auditeurs. C'est ça le plus important. C'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Benoît, d'être intervenu à l'antenne. Et puis, j'espère te voir très prochainement. Hein. On se voit régulièrement à des concerts dernièrement. Ouais. Donc, tu es comme moi, tu vas voir d'autres artistes, parce que tu es musicien toi-même, et tu vas aussi voir d'autres artistes dans un peu tous les styles. Hein. C'est vrai qu'on se voit dans des concerts de styles différents. Voilà. Mmh. Après, moi, j'aime bien quand ça bouge. Ouais, donc, voilà. Et puis, j'ai d'autres potes qui jouent. Donc, voilà, j'aime bien aller voir les potes qui jouent. Mais je trouve que c'est bien, c'est encourageant. Et puis, c'est du soutien aussi entre musiciens. Il n'y a pas toujours ce côté. On est d'accord. C'est un peu dans les pattes et je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage, ouais. Avec le monde qui part un peu en vrille, je pense qu'il faut être solidaire, il faut se soutenir et partager des bons moments, c'est ça le plus important, parce que voilà, le temps passe, le monde va comme il va, et en attendant tous les moments qu'on vit comme ça, eh ben on pourra plus nous les enlever, on les a vécus et puis c'est bon. Donc n'hésitez pas à sortir, aller au concert, aller rencontrer des gens, aller encourager les artistes, c'est ça le plus important, c'est ce qu'on dit tout le temps dans l'émission. Exactement. Très bien, Benoît. En tout cas, très content que tu sois intervenu. Et puis, au plaisir de se retrouver. Et puis, tu reviens dans l'émission quand tu veux, hein, dès que ça évolue un petit peu, dès que vous trouvez un nouveau batteur et que vous avez envie de continuer à faire la promotion de votre groupe, n'hésitez pas à venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Eh ben, ça marche très bien. Merci beaucoup, Albina. Allez, merci, Benoît. Allez, bonne soirée. Salut, Benoît. Merci. Salut. Ciao. Salut. Voilà, ça fait plaisir. Donc Benoît Jeanne, donc qui était venu il y a assez longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui a eu plusieurs projets et qui aujourd'hui, il est en recherche d'un batteur. Je l'ai vu il y a quelque temps à un concert et donc il intervient dans les studios. Et le monde est petit parce que voilà, ça fait partie des artistes qui s'intéressent aussi à ce que font les autres et donc il vous connaît et il avait envie d'intervenir dans cette émission là. J'ai joué avec son groupe justement. Ouais, on a fait une date et on a répété pas mal de temps ensemble. Donc ouais, je le connais bien, Ben. Voilà, donc on a écouté de la bonne musique aussi. J'invite les gens à écouter un peu ce qu'ils font. C'est très planant, très très atmosphérique. C'est intéressant. Très bien. Donc, j'espère que les gens ils ont envie de découvrir leur univers. Et bon, un jour ils viendront dans les studios. Il n'y a pas de souci. Ils font déjà partie de la Maricasa Mini. Le morceau qu'on a écouté tout à l'heure s'appelle In Your Shadows. Vous voulez en parler un petit peu de ce morceau-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est probablement le morceau le plus rock de l'EP. Ouais. C'est le seul morceau, je pense, qui doit contenir un solo. Ouais, c'est le premier morceau qu'on a composé, je crois. Oui, c'est vraiment le premier, ouais, pour le coup. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et pour, contrairement à quelques petites, je crois, un ou deux autres morceaux, il figure sur l'EP, parce qu'il n'y a pas toutes les compos qui finissent sorties, qui finissent publiques. On l'aime bien, ce morceau, parce qu'il est assez dynamique et il évolue beaucoup. Et il en chasse. Ouais, il a un bon break, ouais, un peu fâché. Ouais. Un bon drop A, voilà, c'est bien. Pour ceux qui aiment les breaks un peu droppés. Il est parti un peu de la scène en live, mais peut-être un jour il pourrait revenir, on pourra le rejouer sans aucun problème. D'accord. Est-ce que vous êtes plus un groupe de concert ou un groupe de live ou un groupe de studio? On en parlait tout à l'heure, mais franchement, on saurait pas dire. C'est difficile à dire. On saurait pas dire. On aime beaucoup en fait jouer en live. On essaie de s'éclater un maximum. Là, souvent quand on en parlait avec les gars, on se dit toujours, faut vraiment qu'on kiffe le moment présent. On est de mieux en mieux équipé aussi. Ouais, carrément. Pour faire du live. C'est toujours compliqué de faire évoluer son son, que ce soit en studio ou en live. On le fait au fur et à mesure. On essaie de pas trop brûler les étapes. Et on rajoute du matériel au fur et à mesure. Donc là, on a notre propre système de retour indépendant et ça nous permet de gagner en précision, en confort de jeu. Et en fait, c'est vraiment des problématiques complètement différentes entre le live et le studio. En fait, le live, les gens ils viennent surtout pour une émotion et une expérience, une énergie, ouais, une ambiance. Ils vont pas écouter la moindre note que tu vas faire, ils vont être plus là dans l'ensemble, alors que studio c'est encore un autre travail très différent où là pour le coup on est vraiment sur la qualité, sur la précision. Faut que ça sonne parfaitement, en tout cas le plus possible, alors que sur scène c'est pas si important que ça en fait. Sur scène, il faut faire kiffer les gens sur scène, c'est ça. Tu peux te rater, c'est pas grave. Si les gens ils sont en train de sauter dans tous les sens. Quand t'es en studio, tu travailles pour toi avec tes potes, tu travailles ta musique. Quand tu es sur scène, peu importe la musique que tu fais, tu travailles pour toi, mais tu travailles surtout pour les autres, pour ceux qui sont en face. Et tu transmets pas et tu règles pas ton matos de la même manière. Pense que les deux vont ensemble. C'est ça, ouais. T'as plein de musiciens qui sont hyper virtuoses, mais sur scène, tu vis pas grand chose parce que t'es pas dans le truc, quoi. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, C'est pas facile à dire, mais bon, ça, ouais. Facile à comprendre. Bah ouais, c'est fou à quel point on peut voir des artistes live, en live et pas forcément être dedans, et à quel point on peut être connecté avec eux en studio et inversement. Nous, je saurais pas dire parce qu'on n'a pas forcément de recul particulier sur ça. On essaie d'envoyer à fond en live. Ça améliore. Et d'envoyer une grosse énergie, quoi. Une petite question, vous tapez un petit peu dans le steak, comme on dit, mais au niveau de ce qui est puissance de la musique, enfin, puissance, pas sonorité, mais vitesse de la musique BPM, vous avez trouvé un changement entre le. Quand vous êtes en studio, toi qui fais l'enregistrement, et quand tu réécoutes, tu fais l'enregistrement de live. De live. Changement par rapport au BPM, par rapport à la montée d'adrénaline, par rapport à. Ah non, nous on est super rigoureux là-dessus. Le ouais, BPM, ouais. C'est vraiment. Ah d'accord, vous le respectez. On se met ça dans les oreilles, ça bouge ouais. pas. D'accord. Et on est fidèle. On est super fidèle au morceau. Ça dépend vraiment du style ouais. de musique que tu joues. Mais après, j'aimerais vous écouter alors. Je vous écouterai sur le truc. C'est vrai que ça. Carrément. Ça joue beaucoup. Mais en fait, t'as des styles de musique en fait où c'est hyper important d'être calé tout le temps, parce que t'as des batteurs dans certains styles qui vont pas forcément faire taper tout le temps 1, 2, 3, 4. En fait, ils vont s'éloigner du truc, ils vont faire des trucs à leur sauce. Et du coup, le bassiste, ouais. Du coup, t'as plus ça pour t'aider. Donc là, si t'as pas de clic, ça peut être compliqué. D'accord. Alors que c'est vrai que quand tu fais des styles où on est plus sur du classique, tu peux t'éloigner du BPM, partir en impro, tu vis le truc. Mais il y a beaucoup de styles comme ça où effectivement quand ça commence à devenir peut-être un peu technique sur la partie rythmique, bah en fait t'as besoin d'avoir un repère, parce que sinon tu vas te perdre. Sauf si t'as un instrument derrière qui fait le truc, ça peut être un clavier, un piano. Moi avant je faisais du punk rock et c'est vrai qu'on jouait du punk rock et c'est vrai qu'on jouait pas du tout aussi. Ah oui, et souvent c'était accéléré. Le BPM n'était pas tout le temps pareil, mais c'était une autre expérience là quand je suis arrivé dans Dark Matter et que j'ai eu le clic dans les oreilles et tout. C'était bah, nécessaire parce que les parties sont un peu plus compliquées, on va dire, et ça permet d'être sûr que le batteur est toujours en place. Et les bâtons ils se déplacent, ça dépend des styles, mais quand on jouait du punk on pouvait s'adapter dessus et ça sonnait toujours bien. Là, s'il y a le moindre déplacement, ça va tout décaler, vu que c'est très rythmique, le metal moderne, le metalcore. Moi, je suis pas, personnellement, je le dis ouvertement, un fan du metal, mais je sais apprécier. J'avais découvert d'ailleurs ici, il n'y a pas si longtemps que ça. On a été le voir, on a été séduit. On était même conquis. Ouais. Après, le fait, ça dépend comment on voit la musique, mais pour toi, qui est bassiste, qu'est-ce que c'est qui est le plus important dans le groove, dans le côté musique? Bah, moi, j'adore la basse et la batterie, j'aime bien l'énergie que ça amène. Après, moi, je trouve que tout est important. Moi, j'adore la scène, j'aime bien bouger, j'aime bien essayer de transmettre l'énergie autrement que par mes notes et autrement que par ce que je joue. Et voilà, j'adore quand les gens sont contents devant moi. Et tu guides quand tu prends l'énergie de la personne en face. Enfin, personnes en face de toi, j'espère que t'en as pas qu'une. Non, pour moi, on parlait du clic. Le clic, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui va me soutenir, comme un peu une béquille qui est là pour m'aider. Mais après, je me base surtout sur le batteur et sur le feeling aussi qu'il peut y avoir dans les morceaux. Tout à l'heure, j'avais pas le casque, donc j'ai pas tout entendu dans votre présentation. Toi, t'es guitariste ou t'es chanteur aussi? C'est ça, ouais. Et c'est important. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, chanteur? C'est une super question. C'est lui-même. Comme tout chanteur qui se respecte. Juste pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est marrant parce que pour l'anecdote, Victorien qui était au téléphone avec nous il y a pas si longtemps, on a joué ensemble notre tout premier groupe il y a 10 ans, donc Collide with the Pride, et en fait à l'époque on n'était pas au clic, donc lui il accélérait tout le temps les morceaux et ça devenait un cauchemar pour le gratteux, donc Cyril de suivre ce qu'il faisait. Donc, pour fin de l'anecdote, et donc pour répondre à la question, ce qui serait important, pour le coup, j'aime toujours avoir un peu de clic dans les oreilles quand même pour me baser, mais voilà, nous on a la chance d'avoir Aurélien à la batterie qui est extrêmement calé, qui est, voilà, on a une base solide en termes de rythmique avec Florian. Ouais, et attention, il te regarde. Et Aurélien. Voilà. C'est pas contraint du tout. Help. Et je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que la batterie. Moi, en tant que guitariste, ça peut paraître, c'est paradoxal, mais c'est pas la guitare qui me plaît le plus en fait. Moi, tous mes groupes préférés, c'est les groupes où il y a un batteur phénoménal en fait. Je trouve vraiment que c'est ça qui fait la. Parce qu'en fait, la ligne basse batterie, c'est ce qui porte vraiment le morceau. Et en fait, pour moi, le reste vient accompagner un peu. Je parle d'instrument, pas de voix. Et c'est vrai que moi, il y a des groupes. Pour ceux qui connaissent Ginger, par exemple, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi, je suis gros, gros fan de ce groupe-là parce que le batteur, il est juste exceptionnel. Et moi, je trouve que quand il y a des batteurs exceptionnels, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se différencie. Alors que des guitaristes exceptionnels, il y en a plein. Dans plein de oui, mais c'est pour ça qu'il n'en trouve pas. On peut dire ça, voilà. Et si on parle de ce sujet-là, on est obligé de parler de Steve Token, qui est dans le métal moderne, qui est un des plus gros groupes actuels. Je dirais presque le plus gros groupe de métal moderne. Et justement, avec cette force du batteur qui est exceptionnel, et c'est aussi le compositeur du groupe quasiment principal. Il compose, je crois, à deux avec le chanteur, et ça montre à quel point la rythmique est super importante, surtout de notre style en fait. Ouais, carrément. Très bien. Donc on écoute encore un peu de musique. On est là pour ça, parce que c'est vrai que je vois le temps qui passe vite. Je dis, purée, on a encore plein de morceaux à découvrir. Il est 21h20, donc c'est pour ça. Bon, on a l'autorisation de monsieur Maître Florent dépasser un petit peu, c'est au cas où, parce que Florent on lui fait un petit coucou comme d'habitude, parce que c'est lui qui s'occupe des podcasts, donc lui il enregistre les émissions, et après il nous met ça sur un site, il nous envoie le lien qu'on partage, et comme ça, si vous pouvez si vous avez loupé l'émission parce que vous êtes en concert, vous êtes pardonné. Vous avez piscine ou qu'ils avaient ouais, là c'est pas une excuse. Le concert, oui. Aquaponé, non. Voilà, il faut quand même pas exagérer. Si vous avez pas pu écouter l'émission, tout simplement, eh ben vous pouvez l'écouter. Si elle vous a plu, vous pouvez la réécouter. Et si elle vous a vraiment plu, vous pouvez même la télécharger, la conserver, ou alors garder des petits morceaux pour réécouter quand vous aurez un peu plus de temps, quoi. Bien sûr, hein. Et c'est grâce à notre ami Florent. Donc on le remercie. On le remercie pour tout ce qu'il fait depuis 2000. Ça fait 10 ans déjà qu'il fait ça. Plus exactement l'année, mais ouais, depuis 2016. En fait, il enregistre toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Qui sont faites dans le studio. Qui sont faites dans le studio. Et il a son propre groupe Facebook. Okay. Sinon, il nous les fait passer. Et nous, les animateurs, on peut avoir nos archives. Voilà. Et réécouter les bêtises qu'on fait, qu'on dit. Pour les soirées. On en fait des fois. Hein. Pour les soirées un peu arrosées, ouais. Non, on est sobre pendant l'émission. Toujours. Toujours. Ça, c'est une règle. C'est une règle. Voilà. Voilà. On n'a pas le droit, c'est marqué là-bas. Ouais, on n'a pas le droit. Donc, on va écouter le morceau suivant. Alors, le morceau s'appelle Infinite. Ah, notre tout premier single, du coup. C'est le tout premier single. Ouais. On voulait donner un peu notre patte aussi avec ce morceau-là. Donc, morceau qu'on aime beaucoup et que pour l'instant, on ne sortira pas du live avant, je pense, un petit moment. Ouais. D'accord, on écoute tout de suite et on continue de discuter juste après. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Yeah. Voilà, même un petit peu de musique classique à la fin, ça fait pas de mal. Donc on mélange, il y a plein de styles de mélanger. Donc on entend la voix de Kylian qui est très mélodique, etc. Après on entend des voix qui sont un peu plus Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Un peu plus bourrin, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est le côté. Après, il y en a qui aiment ce style-là. Mais là, vous avez réussi à faire tout le mélange. Puis même à la fin, quelques notes de musique un peu classique, disons. On adore ça. Merci d'être à l'écoute de cette émission culturelle. Voilà. Donc, Dark Matter, nos invités de cette émission numéro 683. C'est ça, hein. Donc, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien noté. Donc, j'espère que ce numéro-là vous portera bonheur parce que il y en a certains qui disent que les chiffres, des fois, ils peuvent annoncer des choses. Donc, peut-être que ça veut dire que vous allez bientôt partir en tournée aux États-Unis ou des choses comme ça. On sait jamais. Quel serait le plus grand délire artistique que vous aimeriez concrétiser, justement? Un délire dans le sens accomplissement ou dans le sens dans les productions, dans le son? Dans les deux, à la limite, après c'est comme vous le voyez, parce qu'après ça peut être aussi humain. Il y a des gens des fois qui font un truc et ils ont envie de faire quelque chose qui leur fait plaisir et qui n'est pas forcément une reconnaissance mondiale, mais ou alors des fois une tournée ou en première partie d'un grand groupe ou peut-être justement avoir un grand groupe en première partie de vous. Jouer avec Falling in Reverse. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est... Ah, les délires, ce serait ça. Et puis, il y a vraiment le motoculteur, moi, que j'aime beaucoup. J'y suis allé trois ou quatre fois déjà. Et vraiment, c'est... on a des amis orléanais, d'ailleurs, en Film Black, qui ont joué là-bas. Oui. Qui nous ont partagé à quel point c'était incroyable, quoi. D'accord. Et bon, tout le monde parle du Hellfest, donc bah, bien sûr, c'est un rêve de gosse, mais le motoculteur aussi, un festival complètement fou, et ce serait un plaisir énorme d'y jouer. Ouais. D'accord, très bien, donc c'est bon à savoir tout ça. et aussi jouer au Dropkick, ça c'est quelque chose de très important pour vous aussi. Ah bah oui, surtout on embrasse Matisse, hein, voilà, c'est vrai. Si jamais ils nous écoutent, on rappelle les dates, là c'est important, les dates pour les gens qui ont envie de vous voir. Vous les savez devant vous? Ouais, carrément. Les dates pour les. Donc le prochain concert c'est demain, donc c'est au Printemps de Bourges. On va jouer donc sur la scène du Berry républicain à 21h45. Pour les prochaines dates, donc on va aussi. On va jouer donc avec Chris Amnesia, on va partir avec eux à Bordeaux, au Salem. Et donc ça va être le 28 mai. Et le 29, le lendemain, ils jouent avec nous à Orléans. Avec Onsite. Ouais, ah oui, ça fait quand même de trucs avec le voyage et tout ça. On va enchaîner. 28 et 29, petite tournée. Voilà, ça va être assez fou. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain, du coup, je joue avec mon autre projet avec Florian, donc ça va être très sport, ça va faire un bel enchaînement entre les deux. Qu'on n'oublie pas, bien sûr, c'est la date à Clermont-Ferrand avec Hangover et Exolune, donc au Photomat à Clermont. D'accord. Et puis fin juin, donc le 29 le 27 juin à Saint-Georges-sur-Arnon, donc c'est à côté d'Issoudun, et donc c'est le Rock'n'Fest. Voilà, d'accord, très bien, très grand soutien. Et puis voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de trouver un calepin, un stylo, ils n'ont pas pu noter, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations-là? Donc, sur tous nos réseaux, Facebook, Insta, c'est les deux où on communique, principalement. On a fait une affiche pour la tournée, du coup, elle est disponible sur Instagram et Facebook en publication. Le Spring Tour. Très bien, le Spring Tour. Ah oui, le tour de printemps, voilà. Le tour de printemps, effectivement. La petite tournée de printemps. Donc, voilà, les fleurs éclosent et tout ça, et Dark Matter part en tournée, donc il y a pas mal de concerts, donc on essaiera d'aller les voir, parce que dès qu'il y aura la possibilité, vrai que j'ai pas encore eu cette occasion-là. Et tout à l'heure, on parlait justement d'un groupe qu'on a été voir, qu'on a reçu ici dans les studios, c'était le groupe Last Rider. Vous les connaissez, non? Alors, moi, il me semble que j'ai joué avec eux, justement, Benoît nous appelait tout à l'heure, quand à l'époque où je jouais avec HTS, avec son groupe de musique, il me semble qu'on a joué avec eux à l'Argonaut, ouais. C'est vrai qu'ils étaient assez fun sur scène. Ouais, ouais, c'est vrai que nous, on a été les voir. Franchement, c'était tout millimétré. C'est-à-dire qu'il y a une projection, il y a les effets, ils ont aussi des machines avec des effets, tout ça, où ça parle, etc. Et puis ils jouent dessus et tout ça. Mmh. Et c'était très, très bien fait. En plus, ils nous ont lu. Ouais. Franchement, on a été captivés super bien et tout ça. Alors, on leur fait un petit coucou. Et en plus, ils jouaient avec l'IA. Donc, ils s'étaient mis en scène avec sur les chevaux, sur plein de choses, tout ça. Allez voir hein, sur Facebook ou sur les réseaux, leurs sur YouTube. Leurs clips sont très, très, très bien faits. Je l'ai passé hier, en plus. Ça y est, je cherche le titre. Tu cherches le titre. Alors, de... pendant que... Mania. Ouais. Ah, Metal Maniac. Metal Maniac. Metal Maniac. Maniac. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Metal Maniac, en plus, tu vois... ils sont venus ici, ils nous ont présenté un morceau qui s'appelle Metal Maniac, et je me suis dit, Metal Maniac, ça me rappelle quelque chose. Alors vous êtes trop jeune, mais il y a une émission ici dans les années 90 jusqu'à 2004 ou un truc comme ça. Il y a l'affiche qui est dans le couloir. C'était notre ami Fred qui malheureusement nous a quittés et qui a animé cette émission sur le métal, sur le hard rock. C'était sa passion et il a fait ça pendant de nombreuses années. Beaucoup de groupes sont venus et c'était sur Radio Arc-en-Ciel que ça s'était passé. Donc okay. Ça reste une référence encore aujourd'hui et c'était justement un hommage à Fred, donc ce passionné de musique qui a fait connaître à tout Orléans les groupes de la région. Hein. Il faisait un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire que on a pris un peu la suite. Et malheureusement, Fred devait venir un jour dans l'émission Mavrica, parce que lui, il avait arrêté son émission depuis pas mal de temps. Ouais. Mais beaucoup de groupes passaient dans mon émission en parlant « Ouais, Fred, tu connais Fred ?» tout ça. Et moi, je le connaissais de réputation, mais je ne le connaissais pas vraiment. Et un jour, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est lui qui est venu me voir. Il m'a dit « Tu fais l'émission Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel ?» Je dis « Ouais ». Je dis « Moi, je suis Fred ». Il dit « Bah, je sais qui tu es ». Et donc, j'avais dit « Ça me ferait plaisir que tu viennes un jour dans l'émission et qu'on co-anime, on fait venir un groupe de métal et on co-anime tous les deux l'émission, ça me ferait vraiment plaisir. Malheureusement, ça s'est jamais fait. Et puis, bon, je sais que là-haut, bah, il est fier de nous. On continue un petit peu son truc. Donc, on pense à lui très fort, Fred de Metal Maniac. Et tiens, on écoutera un petit peu le morceau si vous voulez écouter tout à l'heure. Eh ben oui. Donc pour la j'en ai calé un autre. Sur Light Rider, il faut savoir qu'on partage quelque chose en commun, c'est la playlist. Il y a 5 groupes qui ont été sélectionnés, dont on fait partie, qui ont été diffusés dans un événement de catch, un gala de catch. Ouais, c'est vrai. Et donc, Last Riders font partie de ces groupes et nous aussi. Et voilà. Pour la petite anecdote, donc. D'accord. Comme quoi, le monde est petit. Exactement. Et puis on a beaucoup de groupes. Orléans, c'est quand même un groupe où il y a beaucoup de punk, il y a beaucoup de métalleux aussi. Il y a quand même de bons groupes de métal. J'en ai reçu pas mal ici dans l'émission Mavrica. Et après, il y a d'autres aussi tout ça. Mais c'est vrai que il y a quand même cette tradition du métal et du punk dans la région orléanaise depuis de nombreuses années. Donc, vous perpétuez cette tradition-là. Il faut continuer comme ça. Hein. Et puis, s'il y a encore des plus jeunes qui arrivent derrière, on est content aussi de les accueillir. Hein, il n'y a pas de souci. Très bien. On écoute encore un petit peu de musique. Le morceau que j'ai calé juste après. J'avais pas calé de morceau de vous. mais on va faire ça parce que j'avais calé un morceau de Last Rider, mais c'est pas celui qu'on a discuté. Donc ce qu'on va faire, on va quand même écouter un de vos morceaux et on écoutera donc le morceau qu'on a commenté tout à l'heure, Metal Maniac de Last Rider. Donc là le morceau c'est Into the Stars. Okay. Super, ouais, un morceau planant un peu. D'accord, c'est un morceau un peu plus planant que les autres ou... Ouais, musicalement peut-être moins, mais dans les paroles un peu plus. D'accord. C'est toujours un de nos premiers morceaux aussi, ouais. Un des premiers morceaux qu'on a composé aussi avec. En même temps, vous êtes un groupe tout jeune, en même temps. Les premiers morceaux. Ouais, composé il y a 2 ans, du coup, c'est le plus vieux qu'on ait quasiment. C'est ça. D'accord. Donc on écoute tout de suite le groupe Dark Matter. Like a bird in a cage, my wings won't let me Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite. On a commencé déjà, dès que je retrouve, parce que j'ai fermé ma page. Voilà, je fais tout en même temps dans l'émission Mavrika. Donc, vous pouvez retrouver le programme de l'émission, donc avec tous les morceaux qu'on a diffusés dans cette émission. Ils sont sur le Facebook, sur le mur. Donc, programme de l'émission numéro 683 du vendredi 17 avril 2026. Et vous avez tous les morceaux qu'on a diffusés. Et là, on vient de diffuser Metal Maniac avec Last Rider, juste après Dark Matter avec Into the Stars. Voilà, on est dans l'émission, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. On pourrait encore en parler longtemps parce que le temps passe très très vite, mais je voulais aller plutôt vers l'avenir. Donc quels sont vos projets futurs? Parce que là vous avez parlé déjà des concerts. Est-ce que là l'album il est récent? Est-ce que vous allez en sortir un autre? Est-ce que vous avez commencé à travailler là-dessus? Quels sont vos projets là pour les mois et les années qui viennent? Je pense qu'on n'a pas trop de soucis à être transparent là-dessus, mais pour expliquer, on a sorti donc un EP en septembre. On a sorti aussi également un single, donc Hourglass, donc clip est dispo en ligne sur YouTube, voilà, qui a été réalisé par Nathan Lourdou, voilà, qu'on embrasse. Donc ça c'est janvier, donc ça reste assez récent, mais on travaille bien sûr sur la suite. Il y a des morceaux exclusifs qu'on commence déjà à rajouter en live, voilà. Et en soi, on a 6 compos, voilà, on en parlait tout à l'heure, qui sont prêtes. Donc l'album en fait se dessine. D'accord. Au fur et à mesure. Déjà, ça commence à faire. Donc vos albums, ils auront combien de chansons? Le précédent, il en avait 8, je crois. Oui. Alors en fait, finalement, on appelait ça un EP, mais un EP qui fait pas loin de 35 minutes. C'est un bel EP. Ouais, c'est un bel EP. C'est déjà un album parce que c'est vrai que souvent c'est autour de 10. Les Turner Fraser, ils ont fait 18 morceaux. Hein. Attention, 18 morceaux. Et puis c'est vrai que c'est autour de 10, 12, 13, 14. 18 morceaux, c'est une encyclopédie, non? Ouais, là ça fait non, et c'est sur un seul CD. Hein. C'était pas les trucs où il y avait plusieurs CD. Ouais, non, mais c'est ça. Et là, c'est vrai que normalement un EP c'est jusqu'à 21 minutes, un truc comme ça. Donc après ça oui. passe. Ouais, il y a une question de temps. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est une question de temps et pas forcément de nombre de chansons, donc voilà. De temps et de moyens aussi. C'est quand tu fais enregistrements en studio. Après c'est. Ouais, un studio extérieur, quand t'es chez toi, c'est pas les mêmes. Oui, après EP et LP, ouais, la différence c'est ça, ouais, c'est sur le temps surtout, parce que la qualité, on peut avoir des EP professionnels. Ouais. Oui, c'est un peu comme si on regardait à l'époque le 33 tours et le 45 tours. Hein. Ouais. Et le 78 tours. J'ai juste une question technique à poser, monsieur le technicien. Quand tu fais ton mastering, quand t'envoies ça sur les portails, sur tout ce qui est les grandes boulangeries du net, tu vois ce que je veux dire. Quand tu mastering, tu mets ton lootness, tu le règles, tu fais comment? Après avec les normes des plateformes, moi 6 si je dis pas de bêtises, des BLFS, j'ai plus une Donc tout ça, tu le fais que tu fais pas obligatoirement sur ton mix, tu le fais. C'est difficile. C'est ça. C'est le power sur le c'est live, ça, sur c'est le master. Power, voilà. C'est ça, exactement. Et du coup, pour les futurs morceaux, donc en fait, justement, le but c'est de faire un album qui ait une vraie cohérence, qui raconte, qui parle toujours un peu du même thème. Et le thème du prochain album, c'est le temps, voilà. Ouais. Le temps qui passe, les personnes à qui on n'a pas su dire au revoir, voilà, c'est un peu toute cette thématique autour du temps. C'est pour ça que notre single c'était Hourglass. D'accord. Exactement. Ok. Donc il est calé. On le passera en fin d'émission. Parfait. Voilà. On peut conclure. Donc là, parce que je regarde à peu près au niveau du temps, on est pas trop mal. Donc on a encore un morceau à envoyer qui s'appelle Supernova. Et après on finira avec le morceau Hourglass. Voilà. Parfait. Très bien. D'autres projets encore, est-ce que vous démarchez pour d'autres concerts, des clips vidéo, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? Je suis sûr que vous avez plein de projets dans la tête, mais après on aurait beaucoup joué un peu dans la région parisienne. Donc on essaye de démarcher un peu les endroits un peu qui seraient intéressés pour nous faire passer. Un petit peu sur Tours aussi, on aimerait bien regarder un peu de ce côté-là. Donc voilà, c'est des démarches qui sont en cours. Pour l'instant, rien. D'accord. C'est un peu une bouteille à la mer, c'est voilà. Ça. Tours, il y a quand même une belle scène métal, donc ouais. On n'a pas encore mis un pied dedans et c'est un peu l'objectif. Il y a des belles villes aussi à aller chercher. Je sais que la scène à Blois, il y a quand même pas mal de groupes, mais c'est plus les lieux qui sont un peu plus discrets. Mais justement, nous aussi, il faut qu'on soit aussi force de proposition au niveau d'un plateau. Mmh. Voilà, organiser carrément, finir avec des copains et proposer un plateau de 3-4 groupes. Mmh. Et oui, si pareil, on peut jeter aussi une bouteille à la mer, mais on est toujours ouvert pour les dates. Ouais, y a pas de. Donc si des gens vous écoutent, ils ont envie de vous faire jouer à tel ou tel endroit, ils peuvent vous contacter. Donc le mieux, c'est peut-être Facebook, Instagram, ouais. Instagram. Tout partout. C'est partout. Non, mais c'est vrai qu'on a une adresse email pour le contact, donc elle est présente sur nos réseaux, mais ouais. Un message Facebook, Insta, ça marche super bien aussi. Ouais. Et l'adresse mail, c'est quoi? Parce que c'est bien aussi pour ceux qui ont envie de vous envoyer un peu plus de matière. Eh bien, c'est dark.matter.bend.orléans@gmail.com. D'accord. Un peu long, mais. Darkmatter.ben.orléans. Voilà. Okay. Il y a un point à chaque fois entre chaque mot. D'accord, comme ça on s'en souvient. Très bien. Encore d'autres choses? Non, il n'y a pas de. Les clips vidéo, donc pour la suite, vous allez voir au fur et à mesure. Donc les enregistrements, il y a déjà 6 morceaux pour le prochain album. C'est ça. Le prochain album, vous allez le presser ou vous restez comme ça en numérique? Est-ce que vous avez envie, par exemple, de sortir un CD ou un vinyle ou... Ah bah, le vinyle, c'est un peu l'objectif ultime. Ça serait quand même... Non, mais là, c'est encore en discussion, mais c'est plus ou moins acté, je pense, sur le pressage du prochain album, justement. Mmh. On va prendre le temps, on va encore plus le bichonner que notre EP. Et le vinyle, c'est souvent assez cher, donc c'est plutôt pour se faire plaisir, je pense. Oui, c'est pour se faire plaisir. Ouais. Après, c'est l'objet. C'est vrai que les gens qui vont à un concert, ils aiment bien revenir avec le vinyle. Ça fait le souvenir. je vais vous avouer quelque chose, c'est que moi, j'ai des vinyles chez moi que j'ai jamais déballés. Pourquoi? Parce que c'est l'objet que je garde comme ça. Et à côté de ça, j'écoute le numérique parce que je l'ai en numérique aussi. Donc, c'est aussi la facilité. Et après, de temps en temps, c'est vrai qu'écouter un disque vinyle, ça s'écoute d'une manière différente. Donc, c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Donc, c'est l'objet. Et en plus, on peut le lire. C'est grand. Le CD, c'est pas mal aussi. Hein. Mais après, c'est sûr qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des groupes qui n'ont pas de support. Ça se fait sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute, etc. Donc vous, on peut vous retrouver pratiquement sur toutes les plateformes, c'est ça? Normalement. Exactement. Ouais. Ouais. On a un diffuseur, ça fonctionne plutôt bien. Donc on est présent sur Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube Music, partout normalement. Il n'y a pas de... Très bien. Donc, je pense qu'on n'a rien oublié, on l'a tout dit là. Donc on écoute le prochain morceau, Supernova. Donc quelque chose à dire sur ce morceau-là? En fait, il s'enchaîne entre guillemets parfaitement avec Collapse. Parce que les deux morceaux s'enchaînent. Ça rebondissait, ça commençait à partir et puis ça s'arrêtait brutalement. Et en vérité, c'était celui-là qui suivait, quoi. Exactement. Donc il y a une suite dans la tonalité, le choix des BPM et puis. Supernova, c'est un morceau qui est super entraînant et qui est pour le coup vraiment taillé pour de la scène. Ouais. Donc on le fait toujours et on le jouera demain au Printemps de Bourges. Yeah. le groupe Dark Matter avec Supernova. Dark Matter qui est notre invité, le groupe invité de cette émission numéro 683. Et on arrive à la fin de cette émission. Vous êtes à la radio, est-ce que vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs? Un petit message personnel à... Ah bah il faut y aller, on balance, hein, allez. Non mais on aurait peur d'oublier des gens, donc on peut faire tout le monde. Allez. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Un petit message quand même à Aurélien qui est pas présent avec nous ce soir et qui joue avec son groupe. Aujourd'hui c'est un jour aussi un peu spécial pour eux parce qu'ils ont renommé leur projet, ils ont de nouvelles directions artistiques, donc Jartel devient Candirage. Mmh. Voilà, donc des gens super. Jartel, oui, donc, Jartel que j'avais reçu il y a de nombreuses années, c'était pas encore la même composition à l'époque. Oui, hein. Donc là c'est Morgane, Ariane et Aurélien. Ça a changé, oui. Mais bon, toujours Morgane derrière. Ouais. Et maintenant il y a Ariane et Aurélien. Aurélien, notre... Voilà, donc les trois. Bah, ce sera peut-être l'occasion de venir aussi présenter leur nouveau projet dans l'émission, parce que justement Morgane, ça fait un petit moment qu'il m'avait dit ouais, un jour je reviendrai dans l'émission et tout ça, on va se regaler une date. Ça s'est jamais fait, donc ça sera l'occasion justement de relancer le truc pour qu'ils viennent nous présenter leur nouveau projet. Très bien. D'autres messages encore à faire passer? Franchement, n'hésitez pas à aller écouter de la musique, sortez voir les concerts, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être un peu tout le monde à la maison, à regarder un peu sur YouTube et à se contenter de ça. Franchement, n'hésitez pas à sortir un soir, même seul. C'est une autre dimension. C'est bien d'écouter les morceaux à la radio, c'est bien de les écouter sur Internet, etc., sur les réseaux. Mais aller au concert, là, il y a tout. Il y a le bruit, il y a le son professionnel qui envoie, on ressent. Il faut soutenir les organisateurs, enfin tout ce qu'ils ont. Christophe le disait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est pour le plaisir de chacun. Pour le plaisir de chacun. Moi, je prends beaucoup de plaisir à aller au concert comme ça. Donc, il faut savoir que c'est pas seulement pour dire on va y aller, on va se forcer. Non, allez-y, vous allez vous faire plaisir, vous allez voir. Vous serez surpris. Moi, je sais que... Moi quand j'ai commencé l'émission, mieux en concert que dans une piscine, enfin ça dépend. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé l'émission, je connaissais pas forcément tous les milieux et tout ça, et puis c'est pareil, je me suis retrouvé des fois dans des concerts, je me dis qu'est-ce que je fous ici, là, les mecs ils étaient 12, les cheveux longs, les trucs à clous, et j'ai appris à découvrir ce milieu là où les gens sont super gentils. Alors je peux vous dire une chose, en règle générale, quand j'ai un groupe de métalleux, ça bouge pas dans le studio. Ils sont sages et tout ça. Ils se défoulent sur scène. C'est ça finalement le c'est truc. C'est un rôle qu'ils jouent, tout ça. Bon. Mais sinon, j'ai même été surpris. Je dis ouais, on a les mecs qui sont là, des fois des tatoués, des tout ça. Et puis ils disent ouais, j'ai été chercher le gamin, sorti de l'école. Bah oui, c'est des pères de famille, c'est des gens tout à fait normaux. Après, ils ont ce style-là parce qu'ils aiment la musique, ils aiment. Voilà, c'est une mise en scène, quoi. C'est comme ça. Mais c'est vrai que ça se passe toujours super bien. Et j'ai été souvent à des concerts comme ça, ou des fois ça se pousse un petit peu et tout ça, ça pogote et tout, et t'as le mec qui te bouscule un peu et puis tu dis excuse-moi, et puis il repart en faire son truc, tu vois, c'est bon enfant, quoi. Il faut surtout pas avoir peur d'aller au concert, justement, parce que ça se passe toujours bien. Moi j'ai rarement vu des bagarres et tout ça. Il y a plus de bagarres des fois dans les balles musettes que dans les trucs de métal. Les gens ils prennent peut-être plus de musettes. Peut-être, ouais. Ça voit pas mal derrière la musette, ouais, c'est ça. Mais c'est un beau message, ouais, Samy, sur la musique vivante, c'est super important. Et puis aussi, vous profitez de la fin de l'émission pour vous remercier aussi pour le travail que vous faites. Merci à vous, c'est un plaisir. Les petits groupes, on se considère vraiment pas comme un groupe professionnel ou quoi que ce soit. On est autoproduit, on fait tout nous-mêmes et laisser la chance aux petits groupes, ouais. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est justement pour ça. Les gens qui ont la passion de la musique, qui ont quelque chose à défendre, ils viennent ici. On fait des super émissions des fois avec des groupes qu'on connaît pas du tout et c'est bien triste. Et par contre, ils ont plein de choses à dire et on passe un bon moment avec eux. C'est le cas ce soir. Donc Dark Matter, retenez bien ce nom-là. On va faire ça comme Hervé tout à l'heure dans sa chronique. On espère vous voir très prochainement dans les concerts. Et puis c'est pareil. Maintenant que vous savez où on habite. Vous reviendrez dans les studios dès qu'il y a un petit peu d'actualité, dans quelques temps, dès que à la sortie du nouvel album, par exemple. N'hésitez pas à revenir, ça sera toujours un grand plaisir. On arrive à la fin de cette émission-là, on va dire les phrases magiques aussi. Aujourd'hui, un gros merde pour demain. Ah ouais, aussi déjà, ouais. Et on a la chance, il fait pas moche. Normalement, y a, niveau météo, on est bien à Bourges. C'est clair. Ouais, donc les phrases magiques, que le rock'n'roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur, et everything is gonna be alright. Voilà, tout ira bien demain, ça va bien se passer. Voilà, cassez-vous une jambe, c'est ce qu'on dit. Faut jamais sauter les bonnes choses. Non, le post-flow, il est déjà à la main cassée, donc si on lui casse la jambe. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on souhaite jamais, normalement, dans les spectacles, on souhaite jamais quelque chose de bien. On souhaite quelque chose de mal pour que ça se passe bien. Voilà, c'est comme ça. je vous raconterai une histoire hors antenne, parce que à l'antenne, je la ferai pas. Voilà, cette émission est terminée. En tout cas, merci à vous. On va se quitter avec le dernier morceau. Donc, je vais remettre les diplômes et puis après on va rendre l'antenne et on se retrouve donc la semaine prochaine. Donc j'ai un groupe qui doit me donner une réponse, si c'est pas lui c'est un autre, voilà, ça va se faire la semaine prochaine, on aura un groupe et après les deux semaines suivantes je ne serai pas là dans l'émission. Donc il n'y aura pas d'émission. Tu nous ramèneras du thé? Ouais, par exemple, ouais, ouais, de Ceylan. Ok, très bien. Bon, on se quitte donc. On a dépassé un petit peu l'heure. Merci à Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission. Merci à Florent d'enregistrer. Merci à Georges d'avoir fait la petite affiche là, qu'on a vue tout à l'heure sur Internet. C'est l'affiche qui est aussi sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Alors Georges, lui, au Portugal, c'est notre webmaster. Il s'occupe du site web et il nous fait à chaque fois une petite affiche comme ça que je repartage aussi sur le Facebook. On va remercier aussi tous les auditeurs, sans lesquels l'émission ne servirait à rien. On serait entre nous, ça c'est bien sympa, mais on est bien content qu'il y ait des gens qui nous écoutent, bien même sûr. Si des fois ils sont un petit peu discrets. Moi, c'est même ce qui me fait plaisir, c'est quand je vais dans des concerts où les gens me disent « Ah, j'ai écouté ton émission, j'ai écouté ceci, ah, j'ai écouté telle édition, etc. » Donc ça, voilà, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont passionnés et qui nous suivent depuis pas mal d'années. Donc merci à eux. Voilà, cette émission est terminée. On va se quitter avec le dernier morceau qui s'appelle « Hors la place ». Ça porte de quoi ça? Bah justement, c'est le morceau qui amorce la thématique du futur album sur le temps qui passe et les regrets qu'on peut avoir quand on prend pas le temps. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous, à très bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao. Salut, ciao. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Prescoar, e ainda há um outro fator que é, os países vão apressar agora a desminagem, mas as minas ainda lá estão. E, portanto, a circulação no Estreito de Hormuz, estando aberta, não quer dizer que consiga ser dos 130 navios por dia que tinha antes do conflito, quando agora o que era preciso era que fossem 260 navios por dia. Análise do economista Manuel Caldeira Cabral. Foi o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano que anunciou a reabertura completa do Estreito de Hormuz apenas à navegação comercial, situação que se mantém enquanto se mantiver o cessar-fogo com os Estados Unidos. O gasóleo na próxima semana vai baixar 13 cêntimos em Portugal e a gasolina 3 cêntimos. A esta hora no estádio dos Arcos, Rio Ave e AVS SAD defrontam-se na abertura da jornada 30 da Primeira Liga. Ariana Azevedo agora connosco em direto, e o Rio Ave a vencer. A vencer por uma bola a zero desde o minuto 19, um lance inacreditável. Olinho arrancou pelo corredor central, o germânico foi por ali fora, rematou fraquinho, mas uma abordagem, e não tínhamos medo do objetivo horrível do guarda-redes do Aves Futebol Sade, Adriel Ramos, que colocou mal o corpo, deixou a bola escorregar, ela ainda embateu devagarinho na barra e depois entrou na baliza. É vantagem para a formação do Rio Ave. Recordo que, caso não pontue, esta equipa do Aves Sade desce imediatamente à Liga 2 nesta noite de sexta-feira. 22 minutos, Rio Ave 1, Aves Futebol Sade 0. A reportagem de Ariana Azevedo, como ouvimos, um jogo importante para o Aves Sade. Está fechada esta edição com Cláudia Almeida. Simultâneo RTP, Antena 1, Madeira e Açores, RTP Mundo. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RTP Mundo. Todos em português. Todos ligados nesta noite de sexta-feira, pelo menos em Portugal, 21 horas em Portugal, já em Sydney já é sábado, um ótimo fim de semana na companhia da sua rádio. Começamos a hora com os Bandidos do Cante. No silêncio do luar, só para o vento devagar, traz o cheiro